Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Voilà. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, merci, merci pour vos vœux de Noël. Et mais je pense qu'il y a de ces amis qui ne les savent pas. Moi, je ne fête pas. Je ne fête pas, n'a fait rater. Donc, que ce soit mon anniversaire, que ce soit quoi que ce soit, je ne fête pas. Alors, mais comme vous me souhaitez Merry Christmas, bon, on ne fait que accepter, mais personnellement, je ne fête pas. Donc, même mes enfants le savent, chez nous, il y a jamais fête d'anniversaire, il y a jamais fête de Nouvel An, il y a jamais fête de Noël, on ne fête pas. Parce que nous considérons que chaque jour pour nous, c'est une fête. Alors, pourquoi dédier toute une journée en train de faire des histoires? Voilà, donc ça c'est l'aliénation. Hein? Je ne fête pas, excusez-moi. Alors. On voit déjà là-bas, prof Bimisa Biloko Mokubwa. notre pays. Voilà, donc nous sommes venus aujourd'hui, une fois de plus, Tomeka Koso, Lalisusu Muke. Oh là là, je ne pas. Je constate que la lumière n'est pas bonne. Hein? J'ai commis une erreur là. Oh gosh, excusez-moi. Hein? Je n'ai pas allumé une partie. Voilà. Ouch. Voilà. Donc, je disais que nous allons tenter de parler de la situation de notre pays une fois de plus, comme toujours. Et voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et Tomeka un peu qu'on discuter Nango. Alors, Tobandi mais je vois déjà. Et quelqu'un m'a dit, prof, en tout cas, ce qu'il y a, il faut qu'on signale à cas. La présence dans la salle, il y a bah, Milouvor, Souri Bazali, qu'il se manifeste. Et déjà, Bango, Bazelakate, autour Nabango, ceux qui basali, bah, manifester présence Nabango. Hein. Dès que vous êtes en ligne, ils sont déjà là. C'est bien, c'est gentil, hein, mes chers amis. Mes beaux-frères, c'est gentil de votre part. Parce que ceux qui touillent, vous vous manifestez déjà que Nayeba, que Bozali, Bozana Katia Sal, c'est très bien. Et voilà. Tout bandana nous par cette pandémie. Où est commis pandémie dans le monde. Comme vous le savez, Ezali pandémie, c'est parce que est touché Penza, Bako le monde. Mais, le sida, Ezali pe pandémie, mais Totiko parce que le sida est affecté à Penza, Bango Mingite. Bien que le sida existe partout au monde, dans le pays, nous sommes dans le monde d'Ezali. Mais, et pas dans Bango Lokola, ils allaient vraiment dans l'ampleur, on ne déclare pas ça une pandémie. Alors voilà les COVID que nous approuvons qu'ils allaient pandémie, ça c'est vrai. Mais en tout cas, on n'arrive pas à comprendre cet engouement scientifique entre malaria, sida, et puis COVID, et pourquoi cet engouement à COVID? Alors ça, ce sont des questions bateau, nous les Africains, il faut tomber tout nakapé ermoko, toujours comprendre. Alors, mais qu'à cela ne tienne, vous voyez très bien que tout le monde, chaque pays, basali ko luka moya ko protéger bandeko na bango et na kati ya ko luka ko protéger population na bango nous observons aussi ba escro ba vandi simate bazali toujours ko continuer escroquerie na bango parce que un escro en réalité même si au placé yo kené na lola esika tout est gratuit. Un escroc so tient un environnement moko nyonso ezali gratuit ko lia ko lala ko tambola ko vivre tout est gratuit pour lui mais l'escroc sera toujours escroc ako escroquer kaka même la gratuité wana escroc ako escroquer kaka c'est ce que nous remarquons na bamboka ebele oyo ezali dirigé par bescroc. Nga moto na lobby yango te soki bolandi ba télévision mususu o ezali na influence mondiale je vois un journaliste là devant les Nations Unies à New York qui disait bon voilà situation des gazaïna ba pays mususu mais maintenant quelques escrocs en profitent les escrocs je donne l'exemple de la République démocratique du Congo. Où un escroc dirige le pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ezali, ce qui peut-être Borata qui épisode wana, allez-y na Google, beaucoup na émission wana. Ezali, je pense, na télévision N24, je pense, c'est comme ça. C'est une télévision israélite. Alors, beaucoup na émission en Ezali, un journaliste devant, reporter. Devant Bureau des Nations Unies, Azali Kosa la reportage et Ayekopes exemple y a bah exemple y a bah pays où Azali dirigé par Bescro a cité Yemoko la République démocratique du Congo où un escroc dirige le pays. Alors les journalistes là Azali en tout cas Azali Mouyakate, Azali Noirte, Azali Azali Mouta Lamoukate, Azali Mouta Parekote, je ne pense pas que c'est Ngwanda qui l'a envoyé, mais c'est Ngwanda n'est pas en Israël. Donc, Azali reporter d'une télévision, il y a Israël. Ngam Nalobi Yangote. En tout cas, pardon, il semblerait que Bino Bosambela Mingi, Bozali ko souhaité Batou Bavé de Noël, Bofingangate. Même Naba jour, il y a Noël, boy, vraiment Bofingate. Parce que ce que je dis, c'est vrai. Reportage wana ezali. Alors, ce que tu tembe, qui est na YouTube, okomona reportage wana, yana. Alors, je disais donc, ba pays, bazali ko luka moya ko protéger batuna bango, selon ba moyen na bango. Bazali ko somba moya ba dose ya ba vaccin pour ba vacciner, ba o bazali vulnérable. Mais, epayi na biso toujours kaka ba mesure, il y a confinement. De 5h à de 21h à 5h, tozali ko yoka ba mesure ya sécurité, mais totikali ko yoka te mesure moko dans le sens ya ko somba ta dose moko ya vaccin wana. Mais ce que yoki ce qui est détourné chez nous au Congo, moko yoka kaka ba million, ba million, ba million. Na yoka na nte ke na Congo. On a détourné 1000 dollars. Parce que ceux qui détournent 1000 dollars, ce sont des petits garçons, le petit peuple, juste par besoin de survivre. Bazali Koyiba, 100 dollars, 200 dollars. Et tous ces gens-là, Bazali na Makala. Or, Ndenge na Yebeli, prison ya Makala en réalité, ils allaient une prison où il y a une fraction moko ya Makasi. Mais les losos au taille na prison ya makala bato bazali kuna ezali mutu koyoka non na ayibaki mungwa non ayibaki savon non ayibaki sukali non ayibaki 10 dollars ayibaki boye voilà azali na makala une année 2 ans azali toujours kuna mais tozali koyoka chaque jour qui passe tozali koyoka ba millions de dollars ba millions na ba millions où ils allaient détourner. Mais vraiment, c'est difficile. Boyo Akebakangi Moutoua Vandikuna. Boyo qui, les coordinateurs, ceux qui coordinateurs, il y a une institution que Félix a créée qui s'appelle institution ou bien bureau anti-corruption. Yemoko Moutoubatien anti-corruption, Azali corrompu, arrêté. Alors, le Kola Bakanga qui est, parce que lui, c'est le grenier de Félix. Donc, c'est lui qui identifie au juste Mbongwe Koti Wapi, Mbongwe Leki Wapi. Alors, c'est lui qui signale à la présidence que non, écoutez, Nadège Gérard, il y a par exemple 5 millions et Outi Kokota. Voilà, par exemple, Nasonas, il y a 10 millions et Outi Kokota. Voilà, Narezi des eaux, il y a autant et Outi Kokota. Alors, et Félix dépêche directement Batounaye pour Bakende Kozwa. Bakende Ko détourne Yango Mbala Moko, Batiana Bapoche Nabango. Il a été arrêté, mais par un coup de fil de Félix, le gars a été libéré, Azali libre Siko. Mais nos frères et sœurs, Oyo, Oyo, peut-être par problème de survie à Yibi Savon, je vis une vidéo là. Une maman ou Aïbi, Aïbaki Milik, hein? Vraiment Milik Nakatia Shop, Bakangiye, et cette maman n'a ébité ce qu'Azali na prison, na Bakala ou bien Azali ou apito ébité. Alors, les Congolais Azali vraiment très rapide na propagande, yabandeko yandengwana par survie, besoin ya survie, et Azali placé na prison. Mais la présidence, c'est chaque jour il y a des détournements. Chaque jour, des détournements, ils aillent la présidence. Tout ce qu'il y a, c'est que non, moi, c'est Félix qui est Makala. Tout ce qu'il y a, non, moi, c'est Félix qui est ici et na procureur Mokoboye. Tout ce qu'il y a, non, conseiller Félix Mokoboye, va kangie boye. Donc, s'il y a une invitation, directement, Félix réagit pour qu'il va libérer Moutouana. Alors, Ezali régime Oyo Tozui, ainsi que semble-t-il, c'est comme ça, il faut tomber ça dans l'ango, tomber ça dans l'amakamu na bango. Et na problème ya COVID, na outi komo na statistique moko, je ne sais pas si c'est fiable quelque part, que jusque là au Congo, nous avons au moins 234 cas y a COVID. Et quelqu'un faisait même l'ironie que eloko ya makasi, donc code ya mbokapé. Donc statistique wana, c'est un bureau en réalité, je l'ai perdu quelque part. C'est un bureau qui est public ba outi ko publier statistique wana ya ba cas ya COVID na mboka na biso oyo bazali 234 cas. Alors, dans 234 Kawana, vraiment, Félix a yebi ko gouverner malamo. Prévoir, c'est gouverner. A bloqué Mboka banda, si, banda 21h-5h. Donc, toute la journée, banda tongo 6h. Banda 6h-20h, entassez-vous ndenge bolingi. Bola tata protection mon côté parce que apesi protection mon côté tata masque mon côté bo fina na ndenge bolingi bo yamba na ndenge bolingi mais à partir de 21h tina 5h séparez-vous. Donc ça signifie que les COVID de Félix ezali ko tambola entre 21h na 5h. Entre 21h et 5h. Alors, hormis ba Erwana, faites ce que vous voulez. Donc, quand je vous dis souvent que na mboka, on ne place pas des idiots, bande kebele ou bande koling, ko ndimelanga ite. Sikoyo, bokoma ko comprendre mouke, comment est-ce que je suis sorti avec ma première vidéo de demander na ba conseil à Félix ba enchaîner. Je reconnais encore à cette époque-là, j'ai reçu beaucoup de messages inbox. Prof Zonga, sala sous vidéo, Senga pardon, comment expliquer Moutou Félix? Félix est intelligent, Dengenini Félix ba ligoteye, Dengenini ba enchaîneye, Dengenini. Mais non, nous sommes des visionnaires. Toyebi kotala na musika, Natali na musika na moni déjà moto, je peux comprendre déjà quel type de personne nazanaye. Et je pense que bato oyo qui ont inventé ba science, o tozali ko tanga na ba classe, bazali ba bête. Bato oyo basala ba science, o tozali ko tanga baza ba bête, c'est expérimenté. Alors, ba psychologue ce qui a vandi a tali moto, il peut comprendre c'est quel type de personne oyo. Alors, moi j'avais observé banda Sainte Thérèse avant ba kenena na Genève. D'abord banda makambo ya ba tractation ya Ibiza ba île de Matéba et quand je voyais Félix parler, je me suis dit non. Ces gars ici, auparavant je les connaissais pas bien. Hein, j'entendais parler d'un Félix fils de Tshisekedi, en tout cas de près je ne les connaissais pas. Je ne suivais pas de près makambo na ye. Mais na bandai kolanda de près makambo na ye à partir ya makambo ya ba île de Matéba, à partir ya Ibiza, Sainte-Thérèse, Afrique du Sud, Genève, j'ai conclu non. Franchement, nous sommes devant un idiot. Alors, tokotika mo anate parce que c'est pas moi qui ai inventé ces mots-là. Qualificatif on a idiot ngam na inventé yango te ezali na dictionnaire ba psychologue ba utiliser yango. Moi je fais aux humanités, je fais la pédagogie générale. Je connais l'utilisation il y a qualification il y a idiot. Donc, botuna ba maître na bino est-ce que ko yebisa mutu idiot ezali ko finga parce que je le dis toujours na yebisa kabino que ba maître na école primaire tango bazali ko sala rapport annuel na bango ya classe na bango ba classe ka élève selon ba capacité intellectuelle na bango. On a des élèves doués, on a des élèves moyens, on a des élèves idiots, on a voilà. Donc ba pédagogue ba finga ka batouté quand même hein? Parce que les parents herbazo recevoir ba bulletin na ébité na kat ba rubrique on a soki na Congo ezala toujours. À notre époque, rubrique ya bulletin comme on a makambo nyonso côté ya classe ya kotanga, vous allez voir ba note ya élève. Non, élève boy na français azui boy, na arithmétique azui boy, na géographie azui boy, na boy azui boy. Et vous allez voir conduite. Na conduite élève okomona B, bonne. Okomona A, excellente. Alors, okomona après ba note ya élève, ba classé élève wana, élève doué. Excellent élève. Okomona élève idiot. Alors, na université, moi, on a idiot, balongola, bachasiko, au moins, par exemple, les étudiants qui sont idiots na université, à l'université de Kinshasa, bachaka, au moins, R, refusé. C'est-à-dire, yo, qu'on l'est quand même pémeni à l'université, t'es ba mona yote. Ezali. Alors, moi, quand je dis que cette personne, azali idiote, est-ce que ezali ko finga moutou? Ezali ko finga te? Et naye comme on a les gens qui me disent que non yo zo finga batou pourquoi zo salaboyer. Alors quand vous demandez na batou na nyonso si tengai insulte ou na insulté batou. Oh non zo finga batou milvor. Oh. Vraiment. Naye ko rappe ki kuna classe komi gratuite. Oko mona muto kwa kile yoka kile yo zo finga batu. Bon, excusez, alors je vais demander pardon ce qui yo cité ngai insulte moko on insulté batu. On zo finga batu ba miluvor. Ah, bandeko. Est-ce que miluvor ezali ko finga? Mais yo soko yebisi ngai fumbwa vor wane ezali ko finga te. Soko bengi muto mususu nkoba vor aliaka nkoba ezali ko finga te. Soko fingi mutu mususu ngolo vor, aliaka bangolo, ezali ko finga te bandeko na biso basakata, je vous salue en passant. Alors, soki bato baliaka makaku, bengi bango, makaku vor, bandeko na biso Equateur, bane kanga, ezali ko finga te. Me kaka soko lobi milu vor, bango ba klase yango, na kategori ya ko finga, ofingi bango. Ofingi bango, bazali ba milu vor. Lelo na tongo moko aye, akilengai. Bon, tangelanga insulte moko ona insulte. Ono ofinga kabatu kabeya kamwanga. Juste, ces gens-là viennent eux-mêmes s'identifier, s'ajouter à la liste des idiots. Parce que quand vous venez me dire, non, yozo finga batu, si tenga ko finga la tam moko na yoka. Oh non, finga batu kabeya kamwanga. Me dit, kabeya kamwanga, sona lubi mutu kabeya kamwanga, donc ba fingi yo. Mais biso wa yibisa kabiso ke bayaka. Nous, on rigole, oui, je l'assume, nazali mouyaka. Nazali mouyaka est fier, parce que nga inde naza awa, franchement, so ki bo yibisinga ke naza mouyaka, nazwa kango na kadre moko ya kofinga te, ezali pe kofinga te. Nazali mouyaka, ezali identite na ngai, e nazo mona en realite, ti ndenge naza awa banda, ti ndenge na komi na niveau nazali, na moni mutu moko te oyo akoyi ko intimide ngai, a part, bato bakoma na mbongo ebele, ba Bill Gates, bato wana, e moi je n'en ai pas besoin, nga nazana besoin que na survivre chaque jour. Alors, na somité ya batu ndenge batu bakomaka na somé ya batu ya koluka na vie na komi na uti na mboka na biso na uti na Congo ba Afrika ba benga ka biso ba nyama na bimi na bonyama wana ya Afrika entre guillemets ba benga ka biso na yena ba mboka oyo batu ba klasa ka batu les étudiants qui travaillent sur l'ethnicité boyebi ce qu'on appelle l'humain et non humain. Voyez bien, ce qu'ils lisent, ils allient bas texte académique. Humain à non humain, voyez bas texte sonna, ça dit quoi? Alors quand vous voyez un non humain, un Africain, un Noir, na bimi, na kei, na sali combo, na sali combo, combo na sali na Europe t, et si kaba mesana na ba Noir, combo na sali na Amérique t, et si kaba mesana na ba Noir. Na sali kombo na azi. Poto mona yo ke oui vraiment ozali. Yaka na azi sala kombo. To mona yo ke oui vraiment ozali penza mobali. Yaka na azi sala kombo. Combien ba prévoir ba voyage na bango ba ya na azi. Peut-être voyage na ye zala ki vacances ya un mois. Mais sali ka une semaine na zongi. Non. Bato na koyiko vivre na environnement ya boete. Alors, une personne na bimi na komi na ba mboka na bango. J'ai fait la loi na mboka na bango. La loi dans le sens te ke na sali loi na ngamoko na zali gang te. C'est-à-dire que je me suis fait respecter. Je me fais respecter. Ko bandali kolo, président na bango. So ki botouni, peut-être a ebi bate belé si ko meso botouni, ou ebi mese yombi, président a Corée a ebi mese yombi. Parce qu'on a travaillé avec lui quand il travaillait na ba activisme ya droit de l'homme. On a travaillé avec lui. Alors, ayebinga na kolata te, ayebinga na komela masanga te, ayebinga na batapage ya ba feti te, ayebinga na batapage initi ya ba kongole te, ya koyeba mutu wana la kisaganini, ya la kisaganini, ayebinga na ndenga na te, ayebinga na musala. Donc, quelqu'un oyo aketu na niveau wana, dans un pays, dans un continent oyo, il n'accepte jamais de noir. A peu près mouke ba noir américain. Mais difficulté sur mon noir américain à vendre nazi, c'est que na pembe na ye bandeko na ye ba blanc américain bazali, bazo encadré. Mais un noir américain seul, peut-être na Amérique ou na Kima, à Salama Kambo Kima, moya zong en États-Unis exacte, tika vendre na ye ka nazi, à supporter na ye ka makambo na nyoso. Mais sinon, un noir américain qui se respecte, ce qu'a ye nazi, ba ou me la rate bazong. Alors, na keipe na somité ou babengi ya Nations Unies. So kei na Nations Unies, kelke mwa batu moko mi balemi satu ba yebi ngaye. Alors, yo ou yako yebi sanga mouyaka. Alors, yo moko mutozo bengi sanga mouyaka, personne ne te kone na mondo yo. Mutwa yebi yo azate. Mutwa yebi yo azate. Même votre président Félix. Chance ka Kabila yeko pesa ye pouvoir. Votre président Félix na tango azalaki avant Kabila pese pouvoir mutaye baki na monde azate à part la Belgique o isika yena papa na ye baba leko sala be scroquerie na bango mutaye baki Félix azate ezale tient tu sais que di wana na loba yango je vous l'explique à tout moment na ebisa kabino etyo Tshisekedi wana aye koyeba na escroquerie na Congo ayeba na escroquerie na ba Belge parce qu'azala ki un agent ya renseignement ya ba Belge c'est tout etyo Tshisekedi au niveau mondial ayeba na kité ngala kenana na esika moko te na yo wa Congo etyo Tshisekedi wa mulumba na yo ko angona onte alors même oyebisa ngana za moyaka ça pose pas problème ça pose pas problème to se kaka. Je suis fier, naza fier à cause de la mouyaka. Naza fier à cause de la mouyaka. Alors, mais mes chers amis, kolobana mutu milouvor, milouvor ezali kofinga te, na pesa définition à milouvor. Milouvor ezali ba congolais ou bazali génétiquement tshisekedisé. C'est-à-dire que balongola bango ba bongo, cerveau balongola, mémoire balongola, conscience balongola, na kati kuna bacha un programme informatique tshisekedi. Donc il ne raisonne que en fonction ya tshisekedi. Ce qui un membre ya famille tshisekedi a bougé, il est pas bougé. Ce qui membre ya famille tshisekedi a lobby tribaliste, il peut kuna gangi tribaliste. Ce qui na mémoire na ye kuna patia kabeya ka mwanga bacha kuna ba programmé. Ene, okoyoka bango nyoso, ene. Soko tunye ene, ça veut dire quoi? Ayebite. Soko yoki tribaliste, olo baka ke non? Robert Wakimi. Tribaliste. Okoyoka bango nyoso, tribaliste. Oh, mon cher, ngana lobi Robert Wakimi. Me yozo ganga tribaliste, elingo lobani. Non, ezali ba mo oyo periodiquement, na kabeaka mwanga bacha kango na database na bango. Donc, dans la mémoire centrale, où ils ont la dixième rue, il y a un mot chaque période. Au moment de la période, il y a par exemple na Pangistan. Il y a un mot qui est en diaspora. Pangistan. Ce qui est dans la mémoire centrale, il y a un mot qui est en Pangistan, il y a un tribaliste. Et l'on a souhaité, moi, bonne année. Il y a un mot qui est en tribaliste. Oh papa, na souhaité moi na ngai bonne année. Ba caricature lelo ba komi ko boya. To banda Mobutu, combien ont dessiné Mobutu? Laura Désiré Kabila, combien ont dessiné? Moi je me rappelle encore. Même na ba intimité à Laura Désiré Kabila, na stade. Laura Désiré Kabila est raillé, Laura Désiré Kabila c'est un congolais. Azaki congolais, 100% congolais. Na stade batu ya IDPS bino bozali ko yemba nzembo contre Laurent Désiré Kabila kadikulu tingini c'était qui pas vous Laurent Désiré Kabila finga mi butu moyi basi na yeza la sifa wana mama na sifa baba to baba ndai ko mona yete mais afinga mana ndenga ko sakana te Joseph Kabila ye afingami, mais Olive Lembe c'est une Congolaise, 100% Congolaise. Est-ce que vous allez ko yeba? Bon, na tout na te, parce que ba mémoire ba longola bino, ba milouvor. Ce que vous conseillez définition à milouvor, ou retourne ba milouvor, te est-ce que vous yebi? Mais ce que je dis à nos vrais citoyens, ou bazali conscients, batu oyo, est-ce que ba yebi? Combien ba finga Olive Lembe? Na ben intimité na ye. Beric Lenge, makama Beric Lenge bima. Makangu Olive Lembe. E bima, c'était normal. Olo ba yango, omona ba milvo, nous soya, ozali vraiment professeur. Un patriote. Mwana ya mboka. Lelo oyo karigatir ko mekate. Soko meki oyo professeur yandengenini. Professeur o descendre très bas. Professeur, vous êtes très bas. Mais avant, vous étiez très haut. Ozalaki professeur, na système solaire oyo. Combien de batu bazo finga mana na mboka na biso? Non, ko finga te, Félix oyebi ke Félix azala, non, tozo finga te, on le qualifie. Un idiot, aza idiot. Ba na Félix nanda kuna yeba yebi ke papa na bango aza mayele te. Bako yiko lo bango te parce qu'azali papa boyebi kaka ndenge ezala na ba famille. Bana bako lo bate mais les enfants de Félix savent très bien que leur papa est un idiot. Ba yebi yango. Est-ce que ngai na loba déjà que madame ya Félix Denise Nyakeru azali idiot? Non. Cette femme est intelligente. Madame Denise Nyakeru n'est pas idiote. Elle est intelligente. Mais son mari est idiot. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ma papa Moussou Bazali Kofinga, prenez par exemple le monsieur comme Honoré Ngwanda. Savez-vous combien Honoré Ngwanda Fingama? Azali Moussika et Sika Azali. Honoré Ngwanda a komakaka ou bien a lobakaka ke na souhaité ba Congolais nyonso botelema. Mais papa, mais le monsieur dit ba Congolais ba telema. Peut-être ba Congolais ba telema na développement, ba Congolais ba telema pour l'éducation, ba Congolais ba telema pour basala misala. Dès qu'Honoré Ngwanda dit ba Congolais ba telema, combien ba fingaka ye? Na ero na bozo ba teke Honoré Ngwanda azali mukolo. Na ero na boyebite ke Honoré Ngwanda a une femme, boyebite ke Honoré Ngwanda a des enfants, boyebite ke Honoré Ngwanda a besoin ya respect. Tango fingi Honoré Ngwanda, tout le monde se milouvore vous applaudissent. Moi na mboka, ozali professeur, moi na mayele, compatriote. Mais quand vous questionnez la gestion ya mboka, otunye lo comme soute, boni boni 15 millions de dollars o ekei na rétrocommission mbongo ezo monana te, mbongo kote outi e monani, mbongo ye koti na bureau ya présidence. A partir du bureau de présidence, mbongo e bungi, batu batu na te, ceux qui otuni en question ozali professeur ya mboka nini. Tout le monde n'a pas besoin de respect, sauf la famille Tshisekedi. Il faut au respect. Ceux qui ont l'ingité, bakende koyeba otanga wapi, bakende koyeba ozwa diplôme nini, bakende koyeba ndaku no ezandenge nini, ozana ba chambre boni, osala kamusala wapi, nani angaja yo, komeka kosimba famille Tshisekedi. Mais vous remarquez ce qui se passe. Le lombo cannabis est commis bloqué. Mboke est commis bloqué. Pour n'a juste un gars, un parvenu. Oyo le lombo bazali koloba, non, écoutez, ce qui tombe dans Kofinga Kabila, parce que Kabila zala ki rwandais. Et si quoi Félix Azali moi na mboka, il faut pas qu'on finga yé, faut qu'on soutenir yé. Écoutez mes chers amis, Mobutu Azali qui moi na mboka te. Laura Désiré Kabila, Azali qui moi na mboka te. Kassavubu Azali qui moi na mboka te. Moi na mboka na mutu ya mboka na biso à la tête de notre pays. Et bandika kana moi na ya Tshisekedi. Mobutu était congolais, était zaïrois. Laura Désiré Kabila 100% zaïrois, congolais, et Félix, ce qui te l'a dit, Mibeko, parce que c'est de la loi que vous parlez. Bolo baka mingi no, bino bozali, ba légaliste. Ce qui te l'a dit bien, toke ndeka na constitution na bino oyo, partenaire na bino salele bino. Ce qui te l'a dit très bien la loi, Félix ne peut pas être président de notre pays. Savez-vous que Félix Azali 100% congolais? Ngam na lobi yango te, ye moko a loba yango. Sa mère est angolaise. Loi na biso et lobi mouta kozala président, il faut ozala 100% congolais de souche. 100% congolais. C'est la loi, constitution na biso mouta lobi. Il faut ozala 100% congolais. Mais Félix n'est pas 100% congolais. Ngam na lobi yangote, ce qui aura ta yango kene na YouTube, il a dit na radio Okapi, ba image ezali na radio Okapi. Radio Okapi wana ezali ya Monsieur Honoré Ngwanda. Radio wana ezali ya Bayakate. Radio wana ezali ya Balamokistete. Radio wana Monsieur Félix Akei inde avandi batunye ba question sur origine ya mwasi na ye, batuna kiye ba question sur origine ya ba parents na ye. Etienne Tshisekedi ya Mulumba zala ki congolais, ça c'est vrai. Mais Félix l'a dit lui-même, a dit ma mère n'est pas congolaise. Ma mère est angolaise. Alors, loi et lobby pendant que la président il faut que la 100% congolais. Ce qui bon lobby si quand tête kolobaté. To kolobaka mais to loba Kabila za congolais parce que Kabila bala abala congolaise. Kabila za congolais. Kabila za congolais. Mais quand vous questionnez par exemple la nationalité à Kabila, on est allé confirmer que Azali congolais. Ça c'est vrai. Mais pourquoi ne pas questionner la nationalité il y a Félix. Ngaina Félix, nani azali 100% congolais. Moi je suis 100% congolais. Banda nzamba sala mukili oyo ba setre nanga ba uta esikate bazali esika bazali. Bazali esika bazali, je suis congolais. 100%. Mais Félix n'est pas 100% congolais. Félix 50% azali soki côté ya bazulu inkata te bangolais côté à côté bana otimo la badiama kuna. Il n'est pas 100% congolais. Alors, caricature et silly, opposition et silly. N'ayez qu'on remarqué ba Milouvo rebelle bazali ko sala campagne ba congolais bazonga na Congo. Oyo deuxième vague ya campagne. Première vague yango bomona kinga na bimaki na vidéo pona ko kebisa Félix que en réalité ko zongisa batu oyo babengi lokola ba protéger ba réfugier ba demander d'asile et ça la makabongote. Tuzongisa ki na nzela. Et erona batu babano kantsake tozali koloba makambo n'importe quoi. Et par la suite vous avez remarqué suite nango qui a zala qui na mbeba. Et loko ezanga kana bande ko na biso moi 50% na ye congolais et sangana pe na ki Milouvor. Bango ba senga ka pardon ti. Bango ba ndima ka faute te toyebi. Baza bande ko na biso toyebi. Baza bongo. Deuxième vague siko tozomona. Oh première vague d'abord oyo bakendaki boyebi sor na bango ndenge le kaki na Kinshasa. Combien bakufi na Kinshasa? Je me rappelle encore na Airona verba 2002-2003 tozo sala ba débat ya activisme politique na ba radio sur le net. Je me rappelle encore ya pasteur moka banai koloba mingi pasteur Epaphras pe na am na ye Epaphras ngana ye tozala ki lokola ba camarade soki débat moko ezali akobenga yo ndeko papa. Bien que ozali musika bino air ezali penza na ero yo bokozala ba 3h 4h mais débat moko ezali awa yo il faut ozala. On luttait ensemble. Makila e gangi air ndeko na ya ye ukoma ba ye ko pesa ye pouvoir e pa Kabila et pa France m'appelle. Pour me dire papa yombi to lité na yo mingi yo ozali moto moko il faut to kita. Makambo changer s'il faut et to kita. Et tu as moqué tout quand moi n'en déquête tout chez une prison et mon cannabis est aux développer. Na tout n'a qui après ça ngaba élément oyo ezali ko aidé à mona qui ma camionion s'est changé mboke comme malam. Argument kaka pesa kinga moi na mboka j'ai pouvoir, c'est tout. Et je lui ai posé la question de savoir ndeko moi na mboka j'ai pouvoir, c'est vrai. Est-ce que moi na mboka o j'ai pouvoir azali vraiment na makoki? Azali penza na makoki ke ye penza. Il faut azala na pouvoir wana. Makoki dans le sens, bik, ezali ya kokoka. Experience, ezali ya kokoka. Patriotisme, ezali ya kokoka. Oui, papa, wana nyo seko ya sima. Nyo seko ya sima, bisoto kitanan. Bon, ndeko, moi je te conseille kokendete. Ah, papa, tika makambu wana. Voilà biloko tozoloba to bandeli ko linga mwana ndeka kende mwana mboka zo pouvoir siko bokomi lisusu bwe non to loba kiteke mwana ndeka kende mwana mboka zo pouvoir on n'a pas dit n'importe quel mwana mboka to loba kite quand même pouvoir bozwango boke ne repesse pas mwana mboka ki yungu mais non on n'a pas dit ça on a dit mwana ya mboka o azali na makoki ya ko défendre mboka. Makoki ya ko defendre mboka na kati ya mboka, makoki ya ko defendre mboka libanda ya mboka. Voilà le mwana mboka oyo biso tozali koloba. Bon, ndeko Epaphras, comme boyebi bandeko na biso wana, bayo kakate, il est parti, lelo bakunda ye cimetière na ye ba ebisinga ke, oroye bakunu teke place na batimo la ki meme likelele. Okoye bate ke place wana batimo la ki likelele, oroye bate. Premier vague. Bango ba ye ba gite ke Félix na era zo senga batumaya, les gens croyaient que Félix a zo senga ba Congolais union so baya. Non, Félix a demandé na ba cousin na ye. Félix a senga ki na ba cousin na ye, famille na ye baya. Bango pe ba keye apesi bango misala, bazali ko travaye, bazali ko yi bambo ondenge balingi. Voilà maintenant deuxième vague, soit disant Kabila keye. Moi je vous ai dit ceci. Congolais, il faut que ça la très attention. Je vous ai dit Kabila, Félix azali na compétence moko kolongola Kabila te. Na dernière minute, Félix a yebi très bien que bazali ko poussana. Na ba kor na bango ndenge basalaki que après 3 ans mandat après 5 ans plutôt, Félix a rezongi sa pouvoir et pas ya Kabila. Donc à la Poutine. Alors, comme boyebi que Félix a respecté ka engagement te. Félix a bandi ko tcha Chimvundu. Pour que deal wana ndenge ba yokana na Kabila e simbati. C'est vrai. Aya ko ko tcha Chimvundu. Makambo ale kei na instance mi bale to ba kutu misatu. Na niveau régional na Afrique e kei na niveau ya ONU e kei na niveau ya Union européenne. Ba fundani. Félix a ke ko funda, Kabila pe a ke ko s'expliquer. Argument ya Félix se convaincre Batouana. Dans le sens que Félix a dit ça qui bango, oui, c'est vrai, to sala ki deal, to yokana ki ngana ye. Après 3 ans, nga ina kwe de ye azonga na pouvoir. Oui, to yokana ki bongo. Mais, regardez, to sali nano 3 ans te, il m'empêche pour na travailler. Ba ministre na ye bazali ko respecte nga ite. Na Assemblée nationale bazali ko respecte ngaite. Batunaye nyoso bazali ko respecte ngaite. Alors, comment voulez-vous que ngai na respecte deal? Naye. Parce que hier zo respecte te à travers Batunaye. Mes chers amis, ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Batouba bengi Kabila ba yishe, non. Boyokanaki na ye, pendant 5 ans, au PC pouvoir, boko dirige ensemble, mais moi parti ya ye, o ya ko dirige, et loko azo dirige kaka mbongo, kozwa mbongo, c'est tout. Mais nyoso etikali, ezala un cantonnier, o akombo la kabalabala, soye cantonnier wana zali moutu ya FCC, azo respecte Félix Sété. Quand même, esika wana, meka kotala, ba proposer Kabila. On te demande on s'éclipser pour un moment. C'est-à-dire quoi? Laisse Félix na 3 ans au Etikali, na dil na bango na mandat 5 ans, laisse Félix travailler seul. Et ce qui a coquissi 2 ans, parce qu'Alexis il y a 2 ans, après 2 ans, yo roya ko zonga, pendant une année, on prépare retour na yo soko lingi kozonga. C'est votre droit, wana ba Congolais batu bako décider. Mais pour le moment, on remarque que c'est vrai, batu na yo bazali ko respecte yete, na parlement, na sénat, partout, ba ministre, bazali ko respecte yete, alors nous te demandons, on t'éclipse un peu. Et on a proposé à Kabila, ba solution, comment ko s'éclipse. Un d'abord, abandonne FCC na yo. Abandonne Bango Nyonso, que Félix crée quelque chose, bon ça la fusion, FCC, IDPS, cash, tout, naba om sou bako yawana, ba bemba, bakatumbi, ba yabakota. Et yo Kabila, longwa na scène politique, kende ko vanda quelque part. Kote njere ata moukete. Dil moussou se salamaki. Bozo yeba ke avant Félix a sala discours na ye oya souka. Félix na Kabila bakutanaki. Bambassade nyonso na Congo, ils ont confirmé ça que Félix na Kabila bakutani na soki na GLM, soki na présidence. la présidence était plutôt. Bakutana est quelque part en réalité, na Kinshasa. Et l'oroni ne basola qui yon angaï. To yébite. Et le lendemain, Félix, a regroupé sa meeting na ye, ya ba consultation. Ba milouvor nyo swa beti maboko, to kangi Kabila. Boza maladi. Vraiment, bozali maladi. Kabila, Félix a bengani Kabila te, Félix a kayin Kabila te. Kabila compris que oui, excès de zèle, zala ki, na batu ya FCC. Même la conseil des ministres, un ministre ya Kabila, soki a lobby, Félix a zala likamoro lobate. Félix, un président de la République a kimi, conseil des ministres. Vous promona wapi. Président a kimi, conseil des ministres. A bon, il a convoqué conseil des ministres. Avez-vous déjà vu Mobutu? Mobutu vraiment a conflit dans un ministre. Mobutu a qui m'a koya conseil des ministres? Pour le ministre, wana. Mobutu a yate, a convoqué conseil des ministres. Est-ce la Josephou Oyo? A qui m'a conseil des ministres parce que un ministre ne lui respecte pas. Bon, mon ayango. Alors, voilà pourquoi vous voyez que Bokomona na inyo sacré wana, Jeannette Kabila kokota na kati. Zoé Kabila kokota na kati. Bango nyonso bakokota na kati. Et vous allez remarquer que Kabila ke ite bo noté date ya lelo. Ba vidéo o ekoli mwate. Deux ans ou bien une année et demie après, vous allez voir Kabila réapparaître avec un nouveau parti politique. Bokomona Kabila kozonga na scène politique, na parti politique yasika, Bokomona. Couvre fait oyo bayeko tiela bino, en réalité, na lobaki yango na vidéo oye leki, couvre fait oyo ezali po na COVID te. Couvre fait oyo ezali ko banga, Félix azo titila. Félix azo titila. Azo yebate mbouma goye la kote nini. Ego yela na fenêtre, ego yela na porte, ego yela na restaurant kota ke na kolia, ou bien na fête kota ke na raba fête ya ba mariage. Azo yebate mbume goye la kote nini. Félix a komi ko lala na bantibal. Ce que je vous dis, c'est vrai. Félix azo se separe sous na antibal te. Et subitement, tozomo na armée rwandaise, ba yeko tcha base na bango, pembeni ya Niragogo, bwebi volcan ya Niragogo. Na est, na biso na Goma. Base militaire ya ba Rwande, ba tchekuna. Bandeko o ba vandi na Kivu, ba zomo na, ba mouvouma suspect entre le Rwanda et le Congo. Donc, du Rwanda vers le Congo. Des hommes en uniforme. Ba cargaison, ezo kota. Mbala moko, mounia morenga limwe. Bozo yba histoire ya Bizimakara. Histoire ya Bizimakara. Histoire ya Deo Gracias Bugera. Boebi ndengeni ne babimaki na Kinshasa. Bakosi Laura Désiré Kabila biso tozali pour yo metoza maladi. Bizimakara est sorti na Kinshasa ke aza maladi. Kokoma komi na Afrique du Sud a changé ka transfert ya avion ye wana na Rwanda. Lobi na tongo rébellion na Goma. Cette histoire ya maladi, soki bolingo ye bango botuna Moïse Katumbi. Moïse Katumbi maladi akokufa. Moïse Katumbi azana na agonie, azana koma, akokufa, avion bakene na hôpital. Avion ko kitaka kezo kitana Afrique du Sud. Moïse Katumbi atikala ko mona ta infirmier mokote Moïse Katumbi na ndako na ye. Lelo Rubero aza maladi na COVID. Rubero malade na COVID, ba memi en Afrique du Sud. Mais quelqu'un m'a dit, Rubero en réalité, destination à yez Afrique du Sud. Destination à Rubero, à Isali Rwanda. Robert a disparu, aza malade, COVID, ba kenen en Afrique du Sud. Bizi makara na kisha sa zomo yana soute. Deo Gracias Bouguera, a zomo yana soute. Bangone so bazui malade. Ba kenen luka traitement en Afrique du Sud. Mais non. Ba kenen ko rejoindre une fausse rébellion na Est. Boko mona Robert wa koyako zonga soki boche na lista ba ministre. Robert wa koyako zonga. Soki na kata ba ministre boyoki kombo ya Robert wa te. Boyoki kombo ya Bizi Makara te. Boyoki kombo ya Deo Gracias Bouguera te. Boyoki kombo ya Nyamuragabo te. Quelques jours après boko yoka kuna na minembwe rebellion mususu e botami. Mais ceux qui bazali na kati ya gouvernement, c'est vrai. Boko mona bango ba yako zonga, bango nyonso bakenda kozwa traitement ya COVID. Nani azali kokosa nani? Je disais que ba milouvor rebelle ba vandi na diaspora. Bazali ko senga la diaspora ba kende Congo. Mais non, moi je pense que batu na ebite bon. Quand vous définissez milouvor, vous voyez tout, vous comprendrez tout. Na momani ni babengaka, excusez-moi. Na momani ni babengaka diaspora azonga na mboka. Na environnement nini babengaka diaspora bazonga na mboka. Parce que mutu avandi na diaspora aza na musala ou bien aza na musalati. Na passe pendant des années avant la diaspora. Il a épargné la diaspora. Moi, mbongo na ye ya passe. Avant a kene na mboka kene ko investir, il faut a analyser environnement économique, environnement politique, environnement sécuritaire. Ezali ndenge nini? Pour que na zwa épargne nanga, na zonga na mboka, parce que moi na mboka comme président, na kene ko investir. Mais il faut qu'on zala bête. Il faut qu'on zala bête. Il faut qu'on zala bête pour na osale lo kwandengwa. Na mboka oyo ozoyo ka ba détournement chaque jour. Mbongo ekota na banque te. Ezala ba banque commerciale. Ezala banque nationale. Mbongo ekota na banque te. Mbongo so ekoti na bank, ale, Félix Atindi batunaye, bazui. Environnement politique eza malamute. Ye moka lobby yango, eza malamute. Bazana système a keba mbumegoye la kote nini moutu a yebite. Environnement sécuritaire eza malamute. Vous demandez à un Congolais qui a investi. Prenons nos fers au baouta na kif. Même na kif voute moi, na koyi ko lobake bon lelo, na longwa isika na zali. Nazonga na mboka na ngai e na kende kovanda na minembwe. Mwa lo meya na ngana zui na pasi oya ki kuizinye. Na kende nangona lo badlo, na kende kwa investi na fungula par exemple pizzeria. Na minembwe na teka kaba pizza langa. Croyez-vous que zali vraiment une décision intelligente? Soki na sali ndengo na seke na za bête. Soki na sali ndengo na seke na za bête. Babenga ka diaspora na environnement ndengo na te. Bana na biso, oyo bavandi, babotami na bamboka oto vandi. Ba evolue na ba environnement oyo koyoka kuna te, eyinda. Bo vandi kaka boye bu, kure katani. Bo vandi kaka boye bafungula robinet boye, maye zo bimasuti. E vous demandez la diaspora, ba longwa isika ba vandi, nonobstant ba pasi bazana ngona diaspora, ba kene na Congo ko se rejoindre na yo, pendant que yo na famille na yo, bozali ko detourne, bozali ko yiba, vous vivez très bien. E diaspora, akende, akita, akende ko tele magale libosa ya batu ya douane, akende ko tele maliboso ya batu ya contribution, ko zwa numero, soki numero ya registre ya commerce, akende ko korompre po ya zwa passeport, ake ne korompre po azwa numero boye, soki ameiko diskite mukamate bakene na prison, Parce que au Congo, même si on discute droit na yo, on a une droit qu'on discute, on peut fabriquer d'abord pour binomoko batwaka diosha. Voyez-vous un yombi na Congo ayeko kita lelo akeyi na Congo na présidence na linga kutala na Félix ou bien akeyi na gouvernement ou bien esika bazwaka numéro de registre de commerce. Croyez-vous un yombi bako pesa yi numéro de commerce là? Mais bah encore c'est un yombi makambo yombi a violé. Bah on boit qu'un yombi dans prison. Mais il faut oser la maladie. Il faut oser la maladie. Alors ces milouvors qui demandent na Congolais à Kende. Bango moko moko a vendu na Londres. Bah bengi soki général de Gaulle. A vendu na social kuna limbongo social nyon so bayé. Ah oui, moi j'ai parlé na social il y a place à Vandi na Londres. Baye to ye biye. Ye soki kaka na social, ba ta boulangerie mapa o elemba. Soki ba linko bwa ka mapa ana ba kena otika na social. Soki ba bengi monsieur Chakudia mapa ya sikeye, ah kotuna ya moto mbangu akikozwa. Général de Gaulle. Atambula mukili mobimba, ye azana ba carnet d'adresse. Ye muta pesa ka pouvoir na ba sud africain. Quel milvor! Ye avali na Londres azo kitate. Alingi batinde la ye avion. Ye batinde la ye avion jet. Ya ye moko. Avion penze wuti Kinshasa. Jet privé. Bake kozwa chakudia na Londres. Bake na ye. Me prena na ebiti bande. Kona biso na ebiti. Satana vraiment salam salam. Parce que na mondo yo batunyo son zami muta salam bangote. Ya desse qui ont été créés par Satan. Ah, et ça batou penza, c'est pas Dieu. Vraiment, je pense pas, c'est pas Dieu. Parce que batou quoi batchakou di nzambete. Il y a zoze la jet privé pour ba ke nekozoye na Londres à Zonga. Entre-temps, mbonga social azo tikate. Moi o eleki azui. Moussou sa va na Japon. Mais le mois na usine place aux ali na Japon. Longwa na usine. Vous travaillez même ba dimanche. Ma boko, comment le kola moutou a fungula ba boulot ya voiture na ma boko. Mais non. Nde kwa komi président, descendez. Parce que diaspora congolaise, ba komona cet exemple, ba mona Chakudia, ba mona Meshe Lambert Ngoi, ba zwa ba avion, ba kita na Kinshasa, to mona bango ba investir, et to mona ke investissement na bango e bandi ko pousa na to kanga bisaka biso nyo sokokende. Mais bino bo vandi yo vandi na Japon, mususu kuna vandi na Londres. Vous demandez na ba pauvre congolais o bazo soufri na ba mbongo ba ivero yo. Ba kene na Congo se rejoine na Félix pour ba kene ko investir. Ba ko placer mbongo na banque nini. Parce que ba to Félix bazo sillonner ba banque koto yo, banque combien koti, koto combien koti, bazo retirer réserve monétaire reza sauté. Et vous demandez aux Congolais bakita, bakita na environnement nini. Congolais abondela bandeko parce que bisiko to vandi tozala ba relation, tozala ba kolo ba mboko to vandi tozala ba relation. Oyo bazali na biloko par exemple ke bakoko loba non, et loko nga na moni na mboka na biso to koko utiliser ngo souté, tikana kende na memango ata na Afrique. Mais yo kozwa muto abatu na biloko na ye, akele ko investir na mboka na yo. Ko tcha cheka na mbongo na banque boye ba. Moi, c'est Félix Ake Azui. Yoko lobani namdeko wana. Yoko lobani namdeko wana. Moi, j'ai dit na bate belé na Corée, par exemple. Usine de montage yaba camion oyakala. Et pas na biso, on peut utiliser yaba camion pour le transport. Yaba marchandise na biso. Bango ba utilise asu biloko wana te. Mais chaîne wana nyo se zali. Chaîne wana nyo se zali. Voilà, M. Yombi. Condition zaka oyo. Tozui kaka ma machine nyo se toke nango. Boni Yombi, to yoyike kuna président komi moutou moussou kabila ne pli la. Hey. Attendez-moi, calmement. Relax. Kabila kei, non? Biso tozala besoin, tozaki na besoin ya kabila personne physique te akende. Problème na biso ezali kabila personne physique et kabila système. Ce qui bolobi kabila personne physique akeyi. Mais le système est là. C'est lui que vous appelez le président, le nouveau président. Tikana ebisa bino makamuna ye. Hein? Mon président oyo, mokolo akomaki mapesa ki pouvoir. Aye ko escroquer batu na programme ya 100 jours. Savez-vous abimisa kimba combien? 600 millions de dollars. Ti lelo ezomona te ke dawapi. 2. Réserve monétaire oyo kabila tikana banque. Réserve la basimba kate ezalo kola mbongo ya ekonzo ya famille. Soki mwa na beli fièvre na butu bokozwa kuna. Soki mwa likambo yeli bino ya pasi na famille bokozwa kuna. Kongo mboka eloko ya makasi réserve en tout cas izala kite. Mais kabila quand même atika ki 1 milliard 800 millions de dollars. Boyebe zawa. O bozo benga nouveau président azu yango tu. Oups, angoli. 15 millions et na lakisi bango avec document à l'appui. Document n'angaite, document na zwaki na site ya banque centrale. Document na zoaki na ministère affaires ya finance ba document nyoso ba image nyoso landi na procès ya Vital Kamerhe bolo balanga te na procès ya Vital Kamerhe tout ce qui a été dit là ezaki ba fausseté bolo balanga bongote j'ai présenté na batu ya industrie oyo voilà moko atia maboko na mutu abi et bongo siko peuple na bino bazolo banini bambongo nyoso zolo ba c'est vrai mais c'est ça voilà parce que moko na bango parle très bien français il a travaillé na France na Renault na usine ya Renault ya France il parle parfaitement français nabi yo parce que ngai e na zo expliquer peut-être ba omona ke no parti pris mais yo tanga oza site na ngate regarde la banque centrale eza ya ngaiti site na ngate regarde ministère ya ministère ya finance ezali ngaite regarde procès voilà procès ezali ki na français na chili e extrait ya ba monta wana ndenge ba détourner na présidence voilà abaluki ya ebisi bande kone alobi chincha mazoyo abi ebisi bango c'est vrai abi me peuple na bino bazolo banini mbongo belé nyose ke na nyonso eke na ba poche ya bato, groupe ya bato, ye na famille na ye. Retro commission, na Tcheli Bango, extrait ya vidéo, ya Félix na France, na ba journaliste. Un président de la République, o azali kondima ke retro commission, et pa na biso ezali cop, et pa na biso ezali cop. Et cet argent, 15 millions, disparit na kati ya bureau na ye. Na Corée, ils ont vice-présidente, il y a parlement. Balongola qui est pour nanini. Peuple, bah télémélié. Vous savez pourquoi? À l'attaque chenette, il y a 100 000 dollars. Moi, chenette, moko ya mukebo yeme, cher, 100 000 dollars. Azope sa rapport, il y a parlement. Azope sa batu bazo mona chenette wana. Peuple, bah, comment? Yo avant comme président de l'Assemblée nationale, vous croyez que son bachelet on a 100 000 dollars. Mbongo wana zui wapi vérifier. Ba yoko vérifier, source ya mbongo wana zate, ono na zwaki kado. Aha, kado zwaki epa ya nani. Kado zwaki epa ya nani, loban noki mama. Kado zwaki epa ya nani. Parce que epa na bango, kado yuta libanda, yuta na kati ya mboka, c'est interdit. So yuma pesyo kado na yo, bomba batuba monate, ero kolonga na ba fonction na yo ozwi kado na yo utilize. Me ba koyiko landela yo. Mama wana alongwa. Kado. Batona balobi menon. En tout cas, il faut kokebisa ba koreye bele na environnement oyo ba meka okene ko investir na Congo te. O balingi Congo ba zela ba kene ko investir na Congo te. Parce que autozo mon ezaya raison mais tellement le gouvernement de Félix bazo akile gouvernement coréen bazo akile bon sali sabiso combien de conseillers à Félix ba défiler na Corée alors bato to monika to finga bango vous savez quoi 500 000 dollars ba pesi 500 000 dollars na gouvernement congolais wa ezali insulte. Ezali insulte. J'ai parlé dans mon tomogo d'ambassade ya Corée na Congo. Aibisinga yombi kisonim na en coréen yombi c'est mon nom kisonim ça signifie professeur. Abinanga yombi kisonim. biso tozala posa ko sa gouvernement wa miyibi boyete. Mais to lingi relation ezala entre biso na Congo, to lingi perdre Congo ti. Boyebi très bien que présence ya Corée du Sud na Congo, la vraie première raison ya Corée du Sud na Congo ezali po na Corée du Nord. Corée du Nord balinga kabazwa uranium na Congo na Congo. Alors, présence à Corée du Sud na Congo ezali pour que ba empêcher Corée du Sud azwa uranium ya Congo ti. Wana okota ba détail wana te parce que je connais. Na yebi et na lobango na bomba souté parce que je ne travaille plus là. Moi j'ai travaillé dans le service de renseignement sud-coréen. J'ai travaillé de 2009 à 2018. J'ai travaillé avec eux. Je sais de quoi je parle. Alors, si quoi? Tellement que les relations sont là, il y a des gens qui ont dit, ah, bon, ça va encore 500 ans. Et 500 ans, on va passer. Et outil na Corée, on va outi en ambassade. Et outil na ambassade, quand on a ambassade, on va passer. On va fond, il y a ambassade. On va passer. Et ça, on va passer. On va passer. On va passer. On va passer. On va département d'État va passer. Mais il y a ça la kaka botelement Félix azo akilenga tikaka na salaboy tikaka na salaboy. Alors yo ke ne ko benga batu na diaspora bazonga parce que ndeko na yo a komi président et oyebi vous le savez très bien que ndeko na yo la mauvaise gouvernance ezali juste komi une identité ya ndeko na yo. Non, est-ce que yo mona ki Félix azo yiba? Il y a aucun président si a yiba ke ye moka zui voiture na ye a ke a fongoli ba coffre fort ya banque a bimisi mbongo ya na pas. Mais il faut que zala idiot pour kanisa ndengwana ba président ba yiba ka par ba conseiller na bango par ba tuna bango rétro commission par exemple cet argent rétro commission kamera lia ye mokote rétro commission wana ba kabula kamera na Félix. Et boyebi na procès à Kamere. Kamere a cité Félix combien de fois? Solito zana mboka oyo pasan lokola bakore boy. Mais Félix azana makala banda kala. Kamere a cité Félix plus de 120 fois. Kamere a cité Félix plus de 120 fois. Na mboka oyo ezali sérieux, Félix il fasa na prison. Mais bon, Botalaka Congo, Congo Zaka Congo. Donc, il y a des gens qui viennent défendre pour Nababouro Nabango. Vous allez voir Bandeko Moussousou, M. Milouvor, et Sika Kuna Kabeaka Mwanga, Mwaye Zate, Banabazo Liate, Nzala, Banabakomi Kolia, Miselekete, Batiki Kolia Bamilou, parce que Bamilou Bazo Mwana Soute, Banabakomi Kolia Bajeko, Bamiselekete, Bamitou Rouge. Mais, vous allez voir M. Milouvor défendre la famille Tshisekedi. Or, pour nous consommer masango ya pamba, Katumbi a pesa ki bato akatanga kuna masango. Katumbi a sali combien de mois pour assommer masango. Katumbi est parti na Zambie, a pesi mbongo, assombi masango, a tien na avion, ba camion, ba yo na ona katanga, ba pesi bato akatanga. Oyo ya bino, Félix pour a pesa bino masango ya pamba. 2 ans yangoyo. Azo pesa bino ata graine moko te ya masango, mais vous êtes là défendre ce type ici o azali ko s'enrichir et mbongo o azozwa azo bomba ngona Congo te mbongo azozwa azo mema na ba bank na Singapour azo mema na ba bank na Arabie Saoudite na Dubai na ba bank na Europe, mais vous êtes là défendre bango ou défendre bango kaka boye ba bêtise. Parce que ndeko wana kombo na ye Tshisekedi. Parce que azali mwanetu. Mwanetu kaka ifu defende kaka mwanetu. Même mwanetu azo boma bino na nzala. Mwanetu azo kosa bino. Mwanetu deza yango ba promesse. Ba promesse yaka, ba promesse à long terme zalaka. Mais il y a des promesses à court terme. Kopesa batu masango. Kopesa bana kasayi masango balia. Vraiment, ifu baze la 2 ans. Masango na mboka na biso balona ango. Nambula moko 2 fois. Bana kasayi ba kwa kufa na nzala na 6 mois ya Félix, kwa kufa na nzala, c'est vrai, parce que ayeka kasiko le tamba lo na masango. Mais 6 mois eleki, grene moka masango te. une année, graine mon côté. Une année, 6 mois, graine mon côté. 2 ans. Ah, mais dit, boza ba idiot. Mais non. Alors, diaspora, ou à cause de la bouzoba. Yabandeko, ou à cause de la bouzoba dans le passé. Oh non, Félix a comme président. Ba kitika kangulu ngulu. Bo kita. Bon, soy kombo na yoza mobenga. Soy kombo na yoza lingoyi. Soy kombo na yoza lichakudia. Soy kombo na yoza likazadi. Problème zate kanga bisaka kende. Ça pose pas problème. Parce que il suffit kaka. Ok, ne kocha présence na présidence ke non. Mobenga uti koya. Kabe ya uti koya. Muteba uti koya. Ah, là, c'est pas un problème. Ouzo moussala. Mais kombo na yoso ke zali yombi. Kombo na yoso ke zali maizo. Kombo na yoso ezali odon mbo kombo na yoso ezali mbanda kutu komekate ye kutu donc avion mobimba kozala kidnapper bak ekene ko atterri na kabeya kamwanga ekene ko atterri na kabeya kamwanga imaginez-vous na kati avion avion uti soki mboka nini o na kati avion wana batinda manifeste boye na kati ya liste ya batu bazomona honoré mbanda nzambo ko atumba. Mais vous avez fait un mot dans vos sacrés. Avion n'est pas terrible, il est terrible en Jilite. Non. Avion n'est pas terrible dans Kabeya Kamwa. Donc, Ngaï, personnellement, je ne vois pas environnement Oyo et Zali propice pour la diaspora na biso bakende. Mbongo na yo, oh, ok, nango, et que si la yo na ba corruption. Un d'abord, pour des douaniers, moi, ma télé, na yo, oh, tiens, un conteneur. Pour des douaniers, yango, il faut corrompre. Pour na ko somba, moi, ndaku na yo, il faut corrompre. Pour na ko luka, moi, yako, zwa numéro à registre, ya commerce, il faut corrompre. Donc, vous allez remarquer que fond, na yo, n'y a pas de nango, et que c'est la corruption, tika ni maboko pamba, babani ko seka yo, bino bani ko lobe, la biso na diaspora, siko, yo, ukuta biso ananzala, ozongeli matembele. Zala na mayele, kala ingangu. Kolanda se charlatan lati. Ce sont des atalaku tribaux. Des atalaku tribaux. Bazali ko sala juste propagande yande kona bango. Rien ne marche na Congo. Rien ne marche. Yemoko alobi yango, yemoko azoloba. Kuna yemoko azoloba humiliation. Kuna yemoko azoloba nazo kwa kosala te. Bino kaka béton. Oh, mais au juste, mes chers amis. Parce que ce que je sais depuis que Félix Azali est sika Azali toujours kaka béton. Alors, à quel moment o yazwa ki ba humiliation? Parce que ton moni vide mon côté et pas ba milouvor. Ba milouvor pendant le premier jour, béton. Deuxième jour, béton. Dit 2 ans yango yo béton. Mais lui vous dit il a subi des humiliations. C'était quand ces humiliations qu'il a subi? Et ça qui quand ma humiliation wana? Yemoka lobi 2 ans yango na salité. Mais binobo lobi qui sale les ali azo sala béton azo sala béton. Mais yemoka lobi nazo salaté. Mais batu oyo, d'abord entre bango connexion vraiment il y a logique exacte entre eux il y a pas connexion écrit béton lui plaire si quoi comme ko la tabakanza ka ya mabende loko la film moko to banego kota la ming XOR Félix a commis XOR. A komi ko lata bakazaka yama bende. E lo ka ke tika lika e moutou. Siko ba mounou komone pete ta ko lata kaske. Loko la ba kumba ba moto. Men na kati na ye, ma bende. Tinde bon mouna ki jura pesa ki diskour wa demarche wana. Demarche wana zara ki malam ou te paske ma bende za e bele. Na kati zone na crack. Beton. Yo peple ba vota yo. O salisi union sacré Kabila otindie na Kiba bongo siko papa o komeko lata susu ba jaquette ya mabende ndengeni nakati ndengeni ozote ba jaquette ya mabende nakati mais non Ce que nous voulons, c'est aller moi na mboka à joie pouvoir. Moi na mboka wana ezala. Passé na ye ezali ndengenin. Ezala passé na ye ezali mabe. Ezala passé na ye ezali malam. Mais azala un patriote. Parce que dans la vie, on peut commettre des erreurs. Au moment où on a battu sur l'élo, à bota awa, peut-être que c'est une erreur à bon moment. Mais na era comme Mukolo, a conquis si âge à maturité, à se mettre en cause à lui. Mais non, non, non, non, bah, acte moussou, tombe ça, et tout ça qui bada miki, c'est regrettable, salama. Mais, a conquis qu'on sauve Mboka. A conquis qu'on sauve Mboka. Tolingi mwana mboka ya idiote, tolingi mwana mboka ki yungute, ya kizengite. Hein? Bouta la siko banda mwana mboka, o bazolo bakomi mwana mboka. Combien de bimpwaka bazolo epso? Bouta la naba, na, o bimakaka boye peut-être o yepo o souwete, ba meyer ve na famille na yo. Mais okomona bimpwaka, bimpwaka, tala bangwe, bele. E so tali bimpwaka wana bakombo na bango banani. Kazadi, Muteba, Ilung, Ngoi, Ntumba, Mulamba. Donc, c'est toujours... Ah, même si Ozali, Okleka, classe T, on peut observer, observer et puis on déduit. Comment expliquer Bato, Nyon, Sobazo, Finga, Biso, Bakombo, Nabango, Ezali, Kakandenge, Moko, Soki Ngoi, Fingi, Yo, Natongote, Muteba, Oyako, Finga, Yo. Soki Muteba, Fingi, Yo, Te, Mulamba, Oyako, Finga, Yo. Soki mulamba yete ntumba oyako finga yo. Soki ntumba te mujinga oyako finga yo. Soki mujinga te mwamba oyako finga yo. Alors, tozali ba Congolais. Na koye ba très bien que même si ba kombo wana na ba côté na biso pe, ba côté nyonso ezali na mboka na biso, mais quand même bango nyonso bazala ba kombo moko ya côté moko te quand même, hein. Voilà. Si on a un piano, piano, quand on a un piano, si c'est un piano qui est venu. C'est un piano qui est venu maintenant. Bon, je vais vous dire que vous avez un peu de beau-frère, vous avez un peu de beau-frère. Ça, c'est vrai. Vous savez que Nabayaka, Bakombo, on a un peu. Moi, dans ma famille, mon grand frère s'appelle Mutombo. Na famille nanga tozala Mujinga, tozala Mutombo. Et pas na biso na bayaka bakasongo bazali. Muteba pe bazali. Mais ba Muteba, Mutombo ya bayaka bazali ba Miluvorte. Parce que comme je vous dis, Miluvor azali congolais, ko ikozala mute équateur. Mais maintenant, Jean-Pierre Bemba comme Milouvo. Jean-Pierre Bemba comme Milouvo. Donc, Milouvo, c'est un Congolais. O Azali génétiquement transformé à comme Tshisekedize. C'est ça le Milouvo. Alors, bozomo na sikoyo, Jean-Pierre Bemba qui était na Kinshasa, Katumbi qui était na Kinshasa, ba ngombe bali na avion moko, ba uti wapi. Ba uti wapi, bango mi bale na avion moko ba kiti na Kinshasa. Ba uti wapi, to yebike, Katumbi azalaka na Lubumbashi. Soki na Lubumbashi, soki na mboka nini kuna na Katanga. Jean-Pierre Bemba na Gemena. Me bango mi bale ba ye okita na aeroport njili na avion moko. Ba uti wapi. Congolais zibula mesu. Parce que moi, ce que je sais, Jean-Pierre Bemba c'est un Congolais. Mais c'est un Congolais traître. Bato nyonso Jean-Pierre Bemba lelisa na rébellion na ye. Ake ko sangana na ba Ougandé. C'est Jean-Pierre Bemba qui a donné ce goût ya Congo na ba Ougandé. Na era zui bango, tokota na Congo tobo ma ba Congolais. Ba Ougandé bazomo na le bonheur ya Congo. Kolia, biloko. Chaque jour, soki ba pillé, bazo tinda biloko na bamboka na bango. Na Ouganda. L'Ouganda est revenu. Avec le Rwanda, babundi e pa na biso. Parce que Congolais, ba mémoire na biso ezalaka mikuse. Congo, mémoire ya Congolais, ezo sala. S'il s'agit ya honorer Mbanda, parce qu'il a travaillé avec Mobutu. sans le savoir que Étienne Tshisekedi a été à maintes reprises ministre de Mobutu. Étienne Tshisekedi a été parmi les gens qui ont influencé Mobutu pour le manifeste de l'Antélé. Étienne Tshisekedi a été à maintes reprises premier ministre. Non, tous ces crimes, il y a Étienne Tshisekedi, il y a Kobenga Lumumba crapaud. Aujourd'hui, tout le monde, Mobimba, si vous reconnaître le Congo, au moins dans la bateau, il y a monde politique, le nom de Lumumba viendra. Mais Étienne Tshisekedi a contribué dans la loi, il y a Lumumba. Tous ces crimes-là, Moutalandakayangote, tout ça, Moutalandate, c'est Tshisekedi. Maboko Pembe, a salé l'autre côté. Mais on retient, entre guillemets, les crimes d'Honoré Nguanda. C'est comme si dans ces pays-là, Honoré Nguanda était le seul. Honoré Nguanda, au même moment, il était ministre de la Défense. Au même moment, ministre de la Sécurité. Au même moment, ministre de l'Enseignement. Au même moment, ministre de l'Intérieur. Au même moment, ministre des Affaires étrangères. Donc, Honoré Nguanda représentait le ministère Nyonso Yemoko. Non. Terminator, yete. As un exemple, on peut s'abissoter. Mais tu sais que tu es Lumumba? Oui, un exemple. Bandeko, namboka na biso, tozali na maboma ebele. Tozali na maboma ebele. Aujourd'hui, ce matin, quelqu'un, on se parle, moutou ya tendance, ya Félix, je le croyais être vraiment intelligent et puis na sens moko critique. On discute et puis le nom d'Honoré Nguanda et Yekobi. Il me dit, bon, prof, yo na yebi ozamuta pareko. Na recadré directement que nazamuta pareko. Parce que kondima moussala ya moutazo sala, et li ko lobate ki fo za la kaka membre ya groupe na ye, ou bien membre ya famille na ye. Je lui dis, so, ok, na liste ya bata pareko, oromona kombo na gata mkolo mokoti. Au moins, comme on a une liste, il y a parti politique mon côté, regroupement politique mon côté à Congo, banda na botama, comme on a isati. Mais quand je suis M. Honoré Nguanda, d'abord, un, au niveau académique, je suis enseignant. Avant, on a décidé que nous avons un livre qui est mis balé. Na commis parmi le matériel et enseignement, il y a droit de l'homme dans décision est où ta akai pa nanga ite. Tout ce que tu vas utiliser au kotinda yango na secrétariat académique. Ba ko examiner ba document wana oliko utiliser pour na bakuru wana. J'ai déposé les livres de M. Honoré Nguanda parmi ba livres moussous. Et l'université a accepté que non, ce sont des bons livres. J'ai utilisé yango pour na matériel nanga. D'abord, sur le point académique, oui. Il a fait un travail que l'élo, ba étudiant na biso oyo, ba zali, tozali ko formé, ba défenseur des droits de l'homme, ba koye ba méthode, oyo ba dictateur ba salelaka, ba méthode, oyo ba dictateur ba utilisaka, pour na ko misele, ba activiste des droits de l'homme. Et zali mabe? Du point de vue politique, c'est un monsieur qui a révéler beaucoup de choses au yo batué belé ya Mobutu. Ba o bakufa na ba secret na bango o ba bané ko sala na Mobutu. O bazali, ba lingi ko révéler yango te parce que ba yebi très bien que bazana besoin ya mbongo ba pesa bango ba fonction ba poste ko ba sala. Ba ko révéler biloko na te. Mais quelqu'un qui accepte na ko révéler makam to bandai ko sala. Na ko loba makam ba bandai ko sala na époque ya Mobutu. Croyez-vous que M. Honoré Nguanda kozwa décision ya koloba ba secret belé ya Mobutu ndenga bandai ko sala entre autres Mobutu sona bi Mobutu bango nyoso na kati ba Tshisekedi bazana kati parce que Tshisekedi c'est parmi les premiers Mobutistes ya plan Liboso. Croyez-vous que batu ya Équateur ba koyi kozala bazali content na M. Honoré Nguanda ba Équateur balo ba ke non Mobutu azala ki mwa na biso Honoré Nguanda zali mwa na biso ba secret na biso o mde ko na biso asala ki koloba yango te poto kozonga na pouvoir mais non Ce monsieur-là a regardé l'intérêt national. Atala ki intérêt ya Équateur te. Atala ki intérêt ya ba Mwandi te. Atala ki intérêt ya ba Congolais. Pour que ba Congolais ba yeba ke oui, erreur de Salamaki na vie, que Mobutu a eu comme on a pouvoir, Mobutu a utilisé dictature pour Aouméla. Alors, Tikana a révélé Makambu ndenge Mobutu a bandé ko sala pour que cette dictature ezonge la biso plus jamais na mboka na biso. Parce que ces révélations, en réalité, elles allaient méthodologiques, elles allaient pédagogiques pour que Batonio se ou bako mona bilokwana, dictature en dengone zonge la biso soussouté. Mais quand nous voyons maintenant Félix, ce qu'il fait, c'est juste ce que M. Honoré Mbanda dénonce. C'est juste ce qu'il dénonce. Azali ko dénonce en gote pour la plaisir à ko dénoncer. Azali ko dénonce en gote pour que et ça la ma soussouté na futur. Voilà, c'est quelqu'un à abattre. Mais, bozo mona moto, oyo azui Mobutu, ake na ye na ba prima kouria. Ezali te ke ba koselye ye moko a lobi, ba ninga na ye ba sakombi nongo, nana stika olanda sakombi nongo te. Ka sakombi nongo revele, ki tenge Yesu, komeske ba ye okotsa Mobutu erba moni, Mobutu akomi na suka, ifu siko ba kotsa ye na ba loge, bamboka na biso yango tomona ka peut-être babongo na biso ebeba apati ya bakitenge Yesu soki ba melisa biso biloko nini kitenge Yesu c'est quelqu'un applaudir le doyen patriarche kitenge Yesu patriarche na nini kitenge Yesu patriarche na nini Honoré Mbanda il faut l'abattre kitenge Yesu applaudir patriarche mais dit tozana maboma ebele na mboka na biso. Il y a des fous dans le cannabis. Mais bon, Tolobaka, vous savez, hein, Yesupe Andimaki bat le colabas Saint-Paul. Ce qui importe, Ezali O Salati. Ce qui importe, Ezali Oyo Zali Sikoyo, na intention na yo ya futur. Même dans le monde, il y a des réfugiés, il y a des réfugiés, Mikanda. Ba officier, ba talaka. Makambo oyo tia chibite dans le passé, même si c'est important, ba yeba, pour n'a kosa la logique. Mais la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant ou bien demain? C'est ce qui importe. Yango tolobaka. Parce que, nga iso bozo benganga, par exemple, Ngwandis, moi je l'accepte na sens moko. Parce que iso bo benganga Ngwandis, na kosepe la, je me dis, ah, na zamu to apare kote. Je ne travaille pas avec M. Honoré Mbanda. Mais ce qui est bien en Rwanda, c'est que ma idée n'a pas en Rwanda des Okutana. Alors, félicitations, bravo à moi-même. Bravo à moi-même. Alors, oh, nous sommes tous dans la présidence. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces pays? Qu'est-ce qu'il a fait pour ces pays? Voilà, mes chers amis. Mbo kanabiso, naib sabino ke tozali siko na ba contact moko vraiment permanent na ba kamarade bele tozana bango na ba ambassade na mbo kanabiso. Ba ambassade bele ba bandiko longo la ba famille na bango. Ba famille ba longwa. Na est kuna mouvement ezama be. C'est vrai. Na est na biso mouvement ezama be. Na Kinshasa, mouvouma ezama be. Lelo Félix moutalinga ba voyage. Ayo kake non, moi na président moko na Guinée kuna za anniversaire. Félix moutalokoma liboso. Anniversaire eza dimanche, Félix a okoma jeudi. Félix moutalula ba voyage. Avion e komi bololo. Félix avion e komi bololo. A komi ko lata ba jaket ama bende na kati. Te papa. Yo balobi yo mwana ya Tshisekedi. Ah, maboko pembe. Mwana ya Nzambe. Peuple za sima na yo. Osa remise reprise avec Jésus. Boni boni siko ba jaket ama bende na kati. Jésus abando lata ba jaket ama bende na kati. Non, mwana Nzambe za mwana Nzambe ezala boye na bashar. Boko kayete bashar ko panda na yango moko. Mais so moni mwana Nzambe akomo ko lata ba jaket ama bende na kati. Lukuta za mwana Nzambe te za ndoki. parce que avec Dieu ba arbre Dieu so obo ko sala contre moi na nzambe e ko simbate mais soki bo moni moi na nzambe na munoko ba arbre ko sala ko simbate kuna na kata zo bata na bakave ndoki bon nous nous disons bien que Félix azali na ba insuffisance ya intelligence mais quand même azali moi na Congo toi ko linga makila na ete toi ko linga te makila na ete moi personnellement za bo frère nanga mais ce que zoyo kate bande ko na yo moko ba komi batu abattre bande ko na yo moko batu ya ko boma batu ya ko abattre ko landa ka bango avandi na mboka nini moi qui vous parle maintenant combien de lettres na ba université na tangisaka combien de lettres un conseiller de Félix a tenté parler de moi avec le ministre des affaires étrangères ya Corée ba secret d'état moi ba pesa nga ngo exacte on me l'a dit non il y a un ministre de votre pays non un conseiller de la présidente de votre pays qui est passé ici Azotunayo, mais Moutouana, il parle beaucoup. Voilà, bisoto lingi batona bazonga. Bazonga, il y a de la place pour Nabango. Et le ministre lui a répondu que non, mais ce monsieur travaille chez nous, il travaille, il contribue au développement de Mboka Nabiso. Ce qui est Mboka lingi a zonga, zongi, mais en tout cas, moi je ne pense pas que Azali prenne Ozonga Siko, il a abandonné Misala Naye, Azonga Kuna. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc tout s'anime. Ozoloba, ozoloba. Bango ba lingi vérité té. Koloba vérité té. Bango vérité za ki malamu, za ki sukali contre Mobutu. Ah, moi na mboka bravo ozali professeur. Contre Laurent Désiré Kabila, moi na mboka vérité wana za sukali, oza vraiment professeur planétaire. Contre Bango Moko, okomi oza sous professeur té. O vandre la mboka nini. O sala kanini. Yo e loko nini o sala na Congo. Mais e to bande ko lobango, e Rwanda, personne n'est venu ici nous questionner. Bozo mwana, bisika ma boma bazali chez nous. Mais, mboka wane zali mboka na biso nyonso. C'est notre pays. Na lobango souvent, mboka wane to zali ba copropriétaire. Donc, na mboka na part ya mboka na soki Félix azana 1%, ngape na zana 1%. Et d'abord hier kozana 1% hein, parce que soki ngana zana 1%. Félix akozana 1% hein, parce qu'il n'est pas 100% congolais. Ce totali que non, bon, vendons le pays et partageons mbongo ya pays. Ce to partager Félix akozwa plus que ngaite, akozwa la moitié, o ngana kozwa, ya kozwa la moitié nango parce qu'il n'est pas 100% congolais. Ngabla lobi angote ye moga noba, sa mère est angolaise. C'est vrai. Sa mère est angolaise. Alors, yo compare ngana Félix. Moi, ma mère est congolaise. Mon père est congolais. Papa na mama, ya mama na ngana, papa na ngana, baza ba congolais. Ba papa na bango, baza ba congolais. Ba papa, ba para na bango, ba para, ba para, ba para, ba congolais. Ah, ngako ye bisangate, oh non, Outa boye ono kuna omoni kota chilenge lenge, kota sekuna mama yaka banzela erape, mama mat ba yaka makolo. Chance loko pa maye okuta ane Etienne Tshisekedi. Un escro na régime Mobutu. Chance loko pa. Premier ministre Mbalebele, ministre Mbalebele, yeso akomika premier ministre, na ba réunion de ministre, Aloba kama kambu ya bien te kaka chivundu na chivundu. Oh papa, tika makama chivundu loba ministère na yo eye na proposition nini. Et l'autre côté, Tshisekedi ya bana yo ya kana ba chivundu na ba réunion. Chivundu kaka na chivundu. Ba nomé premier ministre, yo mutoza na bezo sauve peuple na yo. Ba nomé premier ministre. Papa, salamu salam. Et Tshisekedi s'arrangeait toujours pour que aboya musala wana, mubuta bengana ye. Un premier docteur n'a droit. Oyebi déjà constitution na biso. Oyebi c'est que ça dit. Na erba nommé yo. Omoni ke non, dege ba nommé ngai, la constitution est zandengo anate. Qu'est-ce que tu vas faire? Oyebi ça. Que non, en tout cas, l'obi na ko prêter serment. mais ezali na ba clause na constitution na biso na lingite ezala to amande yango to amande biloko wana avant ngai na prêter serment. Maintenant, un juriste, c'est comme un pasteur qui déchire la Bible. C'est comme un pasteur qui vient na chair à lingi ko célébrer messe a komika boya tanga verset moko boye babito pasteur yo ko bimana mwasi abatute comme ma mwasi abato na voiture te o lakisa mabolongo na yo ezika pasteur a monique verset biblique yo ça lui arrange pas kaka na chair boye ndeka vandi a passo li bible bon mona yango wapi Etienne Tshisekedi parce que la constitution na docteur na droit ezali loko la bible ya pasteur ezali loko la coran ya imam c'est sacré. Voilà un premier ministre qui vient signé le président est là signé pour ozwa ba fonctionna yo il prend son stylo à barrer constitution Mobutu azala ki malamu parce que elle voilà ce qui ba dema Mobutu penza la mukaka bien bien mais tu sais que déjà na li felombe la kenda kala avant Mobutu mais Mobutu a comprena ki bon Mutunanga oyo bien que azali boye mais c'est un escroc qui m'aide beaucoup aidaranga mingi surtout na makamba ba belge tu sais que il m'aide beaucoup même asali berere wana Mobutu kutu baladi si constitution ya papier mususu na ndaku lokolo sine obare wana na yoke lo kama wa mai to tindilo mususu sine kaka bato ba ye bateke yo baraki ya mabe aboyi mais aboyi ki te parce que aboyi aboyi ki parce que charge o ezo zelaye il fait ça là kokokate il s'arrangeait toujours de ne pas travailler parce que il n'avait pas cette compétence voilà en tout cas lui il avait la sagesse d'esquiver biloko la nyonso ya ko sala mais moi na ye le koso ya mbongo non a côté mobimba tala ba bêtise Yesu li batike ye moko bêtise na bêtise. Alors, je disais donc que ce pays nous appartient et lelo on peut perdre Félix, ndenga lo bango souvent. Soki to perdre Félix, to perdre le Congo et perdre le côté. Soki to perdre Félix, je pense que tristesse na biso ezala, batu bande ko na biso tozali ko perdre na est na biso, bana na biso bazali ko violer, yango la tristesse na biso même. De perdre Félix en réalité Toko regrettait rien. Donc, c'est un mata-mata de moins. Alors, mboka la soye zalaka royaume, mais zali mboka ya famille Tshisekedi, nako zala na ba regret, ke a nga ye esili, nga mboka na okomate. Mais je vous dis, je vous le promets. Biloko yo, eko si la souste. Je vous dis et je vous le promets. Mboka wana toko bongo la yango kala mingite. Je vous le promets. Parce que on ne peut pas laisser batu ya boye, ba kidnapper mboka na biso, peuple na biso na souffrance, information nyonso ko mona ezala ba télévision internationale, ezala ba média internationaux. Ezala na kati ya mboka na biso national. Jamais yo kam nouvelle moko ya malam pona Congo. Nazala kaka so zo na information yo kaka Congo, muteme beti pou. So yo kaka Congo muteme, pona yebi ke suite, lokola balobi Congo suite nango maya misu. Pourquoi? Pona nini? Et il se permet ko souhaiter ba fête na ba congolais vraiment sans rire a raté sous une occasion de cette aide peuple oyo bazala salaire te na kata ki chasse place à vandi na ville kaka place à vandi kuna boulevard wana ekomi fleuve ye na mwasi na ye après avoir qu'on distribué bambongo et pas bandeko na ye, voilà, il se permet à Vandi à se souhaiter bah fête là bas congolais. Moi je vous ai dit, moi je ne fête pas. Vous savez pourquoi? Na lingita en réalité, na zangi mbongo au fêteté. Bisika to vandi champagne, c'est quoi? Bisika to vandi la viande, bilo akolia fête, c'est quoi? Mais batoba monanga tozali kolité pona mboka na biso. Ba mona yo na ba feti ko mela ko. Imaginez-vous bato bazolanda biso. Notre peuple bazali stressé, ba stressé zé belé. Moko balanda biso po ba se défoulé. Parce que oyo bazo subir c'est trop. Eza susu ba imete. Mais ba mona ka biso na ba feti otondisi biloko ya kolia. Bozali na kati ya mesa peut-être bato 3 4 5. Mais vous exposez la nourriture, il y a batou 50. Juste le matin vie, bon moni, toujours fêté. Lobi na tongo, balouki oye na vidéo, peuple, na biso bazo souffrir, biso zana peuple, peuple. Mais ozan denge moko na ba politicien, wana bazo kosa ba congolais. Aroya boye, peuple, naza si manabino, toza si manabino, toza liko souffrir. Aro balouka na si mako, ba carton, Félix Atindi, aza ko liya malam na famille na ye. Mais bozali ba hypocrite. Vous allez être hypocrite. Un leader, quand son peuple souffre, lui aussi souffre. Tolobite, moutakoliate, oui, moutakolia, moutakoboyakoliate. Mais ma tapage, j'abilo akolia, y'a fête, j'abilo akolia. Vous luttez pour ce peuple-là. Ce que vous moni, moi, ça Félix, ça qui est à Dubaï, attend ici, ma messa, bazali, ko katela, j'abilo akolia, tout le monde na toile. Ah, voilà, moi, ça fait Tala mbongo na biso ndeye bazo perdre d'ango. Tala ndenge bazo bimsa mbongo mboka. Batukuna bazo souffrir. Tala ndenge zali kolia. Mais yo moko ndeko, otandi mesa, batu 3-4, mais otye na mesa biloko ya batu 50. Dites-moi la différence entre vous et la femme de Félix. Mais hier, vous allez critiquer moi, ça fait parce que ake kolia na Dubaï. C'est un message. Na peuple na biso tozo loba so lobi koza leader pour na peuple oyo attention il faut qu'éviter biloko mususu oyo ko yiko pesa peuple mutema ya biente muto aza na nzala muto aza ko fetete mais yo zo balancer ba image ya fete na yo mes frères body tozo perdre ba mitu bien dingi biloko na nyoso botandi na ba mesa air vidéo longwe biloko ke na fulu na poubelle. Mais l'argent que vous avez dépensé na biloko na nyonso, disons par exemple au bimisi $500, €500. Pour ça la biloko la sala fête ya bana 3 4 na yo moko. Na camarade moko mi balé. Mais pourquoi ne pas dépenser un $100 parce que au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Asie, $100 ressemble à champagne. $100 kosomba bière, $100 kosomba viande, $100 kosomba loso, $100 kosomba fufu, batu balinga fufu baza ibele. $400 oyo lobi non, ngai lelo na kofetete. $400 oyo, kaka na batu o balandaka yo, ponika mutu moko, ah, mutu aza api alandaka mingi. Ah, azana beni, ndeko, ozana beni, eh, osalanga faveur. Zwa mwa $300 yangoyo, yo zwa $100. Yo yebi ndenge o vani na karte na yo, bato bazo soufri. Salanga confiance, parce que la prochaine fois na ko sala yango. Luka famille, moko zomo na famille, pende ya ba bola. Pesa bango $100. Ndeko ezali mabe. Oyana ba video ya chana na ono, Kabila, Kabila boye, tala mwasi Kabila ndenge bazolia, tala ba politisyon ndenge bazolia, tala mwasi ya Felix ndenge bazolia, bato yo, bazana mawate, peple na biso bazali ko soufri. Deux jours, trois jours, et l'équipe. Bonne année! Yo moko ale. Bilanga ba champagne et tandami. Ba viande et tandami. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que on ne peut pas lutter contre biloko tozo lingate, mais le même biloko yozo salango. Tozo finga fesi boudia diaponani. Tout le monde fait Boudiadia parce que Azali Moutou, il faut aller. Mais ce tout le monde fait Boudiadia parce que le peuple va souffrir, il a salaire à Malamouté. Mais il s'expose partout pour Nakolia. Si le peuple va en Zala, yo no bi na peuple bo kanga sentir bo sala musala bo kanga sentir bo futa ba taxe mais yo moko zo balancer ba image ya kolia et zo pesa message ya bien te si ko sala fête ndeko kanga caméra sala fête na yo muta ko mona yo te hein ke oya ko luka batu balandaka yo ozali leader ya ya résistance ozali leader ozali na gouvernement mais bazo mona yo peuple bazo souffrir bazo mona na ba fête ba tapage belé belé ba fête ndeko ce n'est pas comme ça la résistance ce n'est pas ça la résistance na résistance ezana biloko mususi faut ko éviter yango ezana biloko mususi faut ko éviter yango. Moi, je voyage beaucoup. Ma voyage n'a pas belé comme à Sikoyo, na relaxation sur avion. Na koloba kene na komi na mboka boy, na zalaki na Suisse. Na koloba na komi na mboka boy. Mais jamais na lakisa, talandenge na vandi na avion, talandenge bazo servir nga na avion, talandenge na kiti, talandenge batu baye ko yambanga, non. Non. Eza message ya malamu te na mutu o azo souffrir. Moutou aza nan zala. Mais, tout ça la boni. Malé et malembe, biloko nan yon se bandoko changé. Voilà donc, mes chers amis, tolinga kiko se partage pona lelo. Merci mingi. Et loko kaka nako senga na souka, ezali ke, soki tozali ko lite pona mbo kanabiso, to lite vraiment avec sincérité. To lité pour l'amour. To lité na sincérité, to lité avec amour, na patriotisme. Parce que to zali ko lité te, so ke oye ko lité ke na lité pour bape sanga poste, vous allez échouer quelque part. Parce que poste wana bako pe sa yo angote. Je vous ai dit, avec Félix, so y kombo na yo eza chibo aboate. Soi kombo na yo ezali kazarite, ezali ngoite. Soko zo lite po Félix amo na yo apesa yo poste. Ndeko, vanda na yo te kata tomate place o vandi. Oko zo yango to. Oko zo to, paske ba milouvor ba leke bele. Paske liste ba milouvor nan esilite. Yo ba goya okansa yo mkolonim. To lite po na mboka na biso avec sincérité. Et il y a des gens qui se sacrifient, qui se sont sacrifiés pour Namboka Oyo. Boyebi eza na batte belé, même la résistance, na le banda ya Mboka, eza na kati ya Mboka, eza yi na batte belé, eza li poste moutezo zanga yete. Batte belé kaka so a lobi, kaka lelo, pa! Je vais travailler avec Félix, lobi na tongo aza ministre. Bazali e belé. Mais ce sont des gens qui se sont dit, soki nan dima ki poste wanate na Kabila. Na kondimango na Félix, c'était parce que rien n'a changé entre Félix et Kabila. Le système est le même. Système ezali moko, corruption ezali. Yangwana moko, voire même avec Félix, corruption yé makasi. Parce que corruption avec Félix, c'est comme si il y a l'oma, denge batalingala batbakino balobaka. Corruption avec Félix, c'est comme il y a l'oma, o linga te, Félix a kozwa mbongo wana. Avec Kabila, corruption na bango, ezali ki ya mayele na biki. Mais il y a Félix, c'est ça, maillé la bigité. Et ça, il y a l'homme. Mbongo koti wapi. Kuna, combien, autant. Félix a otin d'abattre pas que nous rejoins. Si on l'ingite, on yon baroye bisa yoke, on ali tribaliste, on ali aîné, on ali jaloux, on ali FCC. On l'ingite, on zo tchabakal pour président à Salam Sala. Il faut qu'on bimisa mbongo. Moi, j'ai parlé avec un comptable d'État. Comptable d'État, la présidence, on ali mouyaka. Nalo bayango, je regrette, je vais le dire. J'ai parlé avec lui. Il me dit batu oyo mbongo so ye ba yo ke comptable to uti bank to zui mbongo to ye nango batu oyo bazana besoin ko ye bate mbongo na ye nango ezali po na musalani non bango il suffit ba yo akake mbongo koti na kata bureau compte ya comptable tout le monde bazana porte romona bango na ba force note romona bango na ba force note le président a dit note wana pe bazo la kisayote. Au moment où il y a un faux papier dans ma boko, ça signifie quoi? Le président a dit, il faut 1 million et kende. Ce que le dit, non, il faut une notification quand même. Il faut pas passer d'écriture. Non, ma kambe écriture, il y a 6 mois. Personne n'a un bongo. Ce qui a boyi, bino ba yaka oyo, bozo tia mobulu po président sala musalate bozo empêcher que le président travaille bazo yiba na loma bazo yiba na loma lokola ce sont eux qui ont travaillé pour ces pays bango bato basali musala pour que mbongo ekota na mboka oyo e bazali na droit ya kozwa mbongo ndenge balingi bato mobutu na kabila mobutu lui appelé lui-même il appelait des banques bata kabila na bik écriture kaka balekisi écriture bon côté que il faut vérifier te mais il y a Félix Telema bayibi écriture te bango na loma écriture arranger ça après rétro commission ti lelo bazo luka baye ba comment ba ko passer écriture comptable bazo monate mbongo e bimi ba pétrolier baye ba tie mbongo mbongo e koti na banque président c'est Yezu mbongo mais ba comptable le bisikala nyoso na banque ba comptable na président il faut passer be écriture mbongo ekeina compte nini l'argent ya pays ekenda kaka boyete l'argent ya pays même na ba entreprise l'argent ekenda na ba compte ba to basala comptabilité ba yebi ah ba to basala comptabilité ba yebi mbongo oso ezali makambo ya l'état boyebi kaka groupe 40 ce que ezali commerce groupe 30 alors Mbongo oyo ekoti na présidence 15 millions. Mbongo elimwe ekotaki mbongo elimwe siko pona ko clôturer bilan. Écriture nini toko sala ndenge nini mbongo ebimi ekeyi wapi? Ekeyi na écriture nini? Voilà la difficulté Félix azo pesa na bato oyo bazali quand même na mwa mayele o bazo sala ifu ko landa logique makambo. Bazo comprendre te be critique toko faire passer yango ndenge nini. Bango bazo yakaka bazozwa. I melody c'est votre problème. C'est votre problème. Alors, en réalité, il faut te sauver Mboka Oyo. Il faut te sauver Mboka Oyo. Toti kanano ba ego na biso, toti kanano biloko tozala kanango, to sauver Mboka na biso. Tozali koloba yango, bakulu tu bazo loba, tozali koloba. Avec Félix Bokozela, tinzamba ko ya, Félix ne fera rien. Parce que mutu oya mesani ne skrokeri, a komi d'abord place wana na magie ya chance l'Europe. Il n'a pas besoin ya bongisa. Po na ye ko bongisa zo mona ke, soki apesi bakoze na misala a bongisi. Pour Félix, le Congo c'est Kinshasa. Pour Félix, le Congo, c'est Kinshasa. D'abord, na mutu na ye géographie a zan angote. Yakoye ba ke pays na biso e bandi wapi et suki wapi. Aye bi angote. Pour lui, saut de mouton na Kinshasa, na bongisi, j'ai construit. Mais Kinshasa, ezali combien de pourcentage par rapport ya mboka na biso nyonso? Kinshasa, c'est rien par rapport ya parti nyonso ya mboko etikali. C'est-à-dire que Félix, dans sa tête, c'est la gestion de la ville. Il se comporte comme un gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour Félix, ce n'est pas la nation. C'est la ville de Kinshasa. Pour Félix, il y a là ici, ba garde présidentiel, ba bot yasika. Pour lui, abongisi armé. Mais azoye bate. Na kasumbale sakuna ba militaire na biso bazala ba bota ndengini. Bo moni ba Zambie ba kota ki epa na biso. Bo mona ki ba tenia ba Zambie. Vous avez vu ba tenia ba militaire congolais na kota kasumbale sakuna. C'est triste. Militaire nyoka suye na likolo. Bo mona militaire nyoka suye na musape likolo. Militaire na char de bataille nyoka suye militaire na musape likolo. Alors, militaire na zaki na bota ndengini. Ba bota ba militaire ezali fabriqué pour que ba insecte ba nyoka et parvenir ko soigne militaire na likoloté. Mais ceux qui militaire na champ de bataille, nyoka vipère a suivi militaire na musape likolo. C'est que militaire na zaki na lipapa. Mes chers amis, maintenant, il faut komisa bandeko to boyité. Na bamboka nyoso komona tozomona Biden na Amerika Air moko na kote ya Utah moi fanatisme pe eza ebele. Mais quand même pona ko kota na fanatisme wana On l'interdit pas fanatisme. Ezali malamu. Mais ça la fanatisme avec conviction. Quand ça la fanatisme avec émotion. Ça la fanatisme avec conviction. Ndeko o toza nemboka moko, oui. Ndeko o aza moine, oui. C'est bien, na sepeli. Est-ce que ndeko o ya kokine sikawana? Est-ce que ndeko oyo il s'est préparé pour azala ne sikawana? Est-ce que ndeko oyo aza une expérience pour ne sikawana? Est-ce que ndeko oyo bik eza moi mulai parce que koza la président de la République eza kaka nationalité. L'international ça compte. Les relations internationales ça compte. Et les relations internationales c'est le rapport de force. Ba rapport de force on ezali construit na parti mususu par le président Bango Moko. Président ye moko charisme, connaissance, expertise. Méthode ya ko convaincre ba partenaire na ye na système des Nations Unies. Alors, ndeko yo yebi très bien que ndeko na biso oyo soki bo tieyi pour na ko wela intérêt parce que ba président ba mboka ba wela ka intérêt mboka na ye. Croyez-vous vraiment Félix Soto Memiye to considérer to que na hypothèse que to bande la conférence de Berlin. To bande la conférence de Berlin. Alors on demande na ba président africain Baya ba discuter sur ba frontière na bango. Bandeko, ce qui boyoki ke ba président ya Afrique centrale par exemple bazo ke ne pas ba discuter sur ba frontière na biso. Félix Azali kuna. Kagame Azali, Museveni Azali, le président Zambia Azali, le président Angolais Azali, le président Oya Congo Brazza Azali, Centrafrique Azali, Soudanais Azali. Bandeko, bo yebi déjà ndenge bo vandi wana ke, er bozo ke Félix a kozala kuna na pembe na ye mutu mswa kozala te. Milelo na milelo. Bo yebi ke ko bima Félix a zo bima catastrophique. Donc, Congo e kotika le squelette. Wewe kwa pei nyonso toza na bango limitrof ba mviyaka ba frontière na biso. Ba mviyaka mabele na biso. Imaginez-vous na hypothèse wana ke il faut discuter. Mutu msua zalate, conseiller zalate. Bon, Félix boko tike meme na ba conseiller nyonso. Promè zate. Parce que bango nyonso bimpwaka. Félix na kati ya conférence de Berlin. Discuter sur ba frontière ya Afrique centrale. Bon, moni déjà, dégâts. Vous avez des gars. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ça se discute. Mais, tozali na batwa, écoutez, na ébite, bouzoba o, tozali nango, soke zali ndegeni. Nazali ko keneko si sa main. Boyebi ba tosoke baloba ke Mobutu est resté au pouvoir pendant 34 ans. Sécurité ya mboka na biso. Soki ba pays lokola ba Rwanda ba badai ko sakanata ataku tu fourmité que non olongo kuna waya ko bomata ndeke na lance pierre olongo a Rwanda na lance pierre kaka lance pierre okota na ba park na biso obomandeke na Zaire ah mais non wana Mobutu c'est que Mobutu azate est-ce que boyebi sécurité wana Mobutu ba nasala ngoye moko mais ba tomano sala sécurité wana bazali. Mobutu est parti. Mais batu wabande kosa la sécurité wana bazali. Tala batu tisere da zoke luka. Moïse Katumbi. Bande ko Moïse Katumbi ako ya. Na yemi ke Moïse Katumbi ako yiko ya po abongi salabiso makambo ya bal. To zonga na epoko to zalaki ya bandaye. Ya wapere to zalaki ya ba jwe kabongo. Ba jouer wana kala oui mais Congo na moment o tous d'abord na problème ya sécurité parce que le pays ezali na voie ya disparition. On a besoin d'une sécurité d'urgence mais batu oyo ba chume sécurité pendant 34 ans aucun peuple d'Afrique ko ko s'azarder na mboka na biso kota bomata mwano ya pamba ces gens là bazali. Mais Félix Batazo ke luka banani. Batu ya magie baki tenge Yesu. Baki tenge Yesu. Bozo mwone sika mwote mama be na kindoki. Yande konabiso oyo. Parce que si c'est vrai, Félix avait besoin de la sécurité. Mais cette sécurité, ce n'est pas avec Jean-Pierre Bemba. Cette sécurité, ce n'est pas avec Katumbi. Mais il faut que vous ayez la vérité, R. Moko. Mais cette sécurité, ce n'est pas avec moi. Mais Batou, par exemple, Honoré Mbanda. Parce que c'est de lui qui s'agit. Ton matato kita, c'est de lui qui s'agit. Ayaka kaka na masolo, ayaka kaka. Savez-vous pourquoi ayaka na masolo? Savez-vous pourquoi ayaka na masolo? Honoré Mbanda n'est pas Dieu. Honoré Mbanda n'est pas Jésus. Mais ce sont des gens qui ont contribué pour que l'élo, Batou, Nyonso, Banyangala, Kato, Batondi, na ba frontière, Mboka, na Bisso, le Kola, ba Vautour. Ba moni déjà faiblesse na leadership ezali mutu na mutu azokota Zambie akota mabe. Pouvez-vous imaginer à l'époque de Mobutu Zambie akota na mboka na biso okipe ba mboka na biso. Non. Non. On préfère kokene ko luka bakatumbi. On préfère kokene ko luka ba kitenge Yesu. Kombo na ye peka kandengo. So mwoni pe na ye longi ndenge mwoki zengi Yesu. Ma na mounoko, sécurité, sécurité, sécurité. Mais des gens qui ont travaillé pour la sécurité de ce pays-là, bazali, même na cadre ya conseil, même na cadre ya conseil, bandeko. Mais non. Kombo na biso azo perdre batou, ba tête. Kombo azo perdre ba tête. Le lobo komona mutu wana lokola Honoré Mbanda. Tozali batu mutu pe, batu pe bakufaka. Honoré Mbanda leo sa kufi, bon yoga na kishasa na ba television na bino. Ah non, c'était un gars très intelligent, c'était un gars comme ça, c'était un gars qui a contribué pour la sécurité de ce pays, c'était un gars, c'était. Mais nous souffrons pour la sécurité. Je ne dis pas Honoré Mbanda zali yemoko, bazali bakebele. Si Jean-Pierre Bemba a réussi, rébellion na ye, a ou takuna na ba Ougandé, aya comme vice-président. Et ça qui pour la banane. Bah, Mobutiste, on a été. Il y a des Mobutistes qui ont commis de bêtises dans le cannabiso. Entre autres, bah, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pardonné, compris par tout le monde, devenu soi-disant père de la démocratie. Mais il y a des Mobutistes, non, c'est lui le papa de Mobutu, c'est lui qui a créé Mobutu, c'est lui qui a créé l'impère, c'est lui qui a tué tout le monde. Et tu as senti rien, mais tu as souffrir. En politique, balobaka, er moko ba arrangement politique, vous pouvez coopérer même avec un diable. Ce qui n'a vendu dans un président, dans monique, dans sécurité, en boka nanga dans zokokati. Yo moko komi ko lata ba jaquette ya mabende. Mais non. Na lingi sécurité ya mboka. J'approche même batu oyo tozalaki na bango ke batu oyo tokoki ko coopérer. Parce que lelo à l'époque ne batu bande ko zuila Tshisekedi, on ne pouvait pas croire que Tshisekedi pouvait parler na moi na Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba azali produit ya mobutisme, moi na ya mobutiste. Ba o nyoso azo benga bengana bazaba na mobutiste et les gens qui ont contribué réellement pour la sécurité ya mboka na biso, pour la politique ya mboka na, pour la respect ya mboka na biso na libanda na biso qui respecte le président Félix. Nani azo respecter Félix na libanda mboka na biso? Croyez-vous à l'époque de Mobutu makamba ne koyeko salema Mobutu akoyi ko s'azarder un président ezala américain à s'azarder on vend sa Mobutu batambu ambassadeur atambu sakaye na ba cimetière ya bandeko na ye ah oyebi kuze na ngamoko akufaka tokeyi kota New York cimetière na ye za kuno ne kotala akeyi ah oyebi omoni kota mai kuna ya Washington kuna ba lak wana kuna ba fleur moko e bota kuna kitoko tokeyi président États-Unis avant sa Mobutu ba ke ne kotambu sakaye na ba cimetière. Le respect na Mobutu atongaki yango ye moko te. Mobutu atongaki yango na batu oyo bazalaki autour de Mobutu. Parce que autour de Mobutu, même si le système ezalaki malamu te, mais autour de Mobutu c'était la qualité. C'était la qualité. La qualité wana ezaya ko loba te ya ko loba wa wa wa lokola ba milu ko ganga. Non, la qualité na misala parce que misala e monana ki mutu moko ko ko lancer même les banga na Congo te. Ils sont là. Ils sont là. Yango bozomona eloko na zolo bake union sacrée oyo ezali une escroquerie. Ce n'est pas réel, c'est pas vrai. Parce que na kati union sacrée oyo Félix Fala Luka ba pilon misa tout d'abord. Un, sécurité ya mboka na biso. Na kati na libanda. Deux, économie ya mboka na biso. Na kati na libanda. Trois, immigration ya mboka na biso. Na kati na libanda. Mais nous avons des têtes. Nous avons des têtes. Moi, je pense que moi, ça ne me gêne pas. Ce qui l'élo na comme président, j'ai dit, bon, Mbuta honoré yaka yopo rumeli mingi kuna yaka vraiment papa pesanga ba conseil qu'est-ce que vous avez fait avec Mbuta vanda wana to yebi ke comme mkolo vanda wana yebi sabiso qu'est-ce que vous avez fait avec Mbuta aide ton pays parce que tout le monde oyo bazali na Kinshasa wana à part ka batakotanga na misapi mibale tout le monde a travaillé avec Mbuta. Tout le monde, nazo répété, ko banda Etienne Tshisekedi ya Mulumba. Etienne Tshisekedi Mulumba d'abord, ye bazalaki ba génitaire ya biloko wana ya mobutisme wana. Dites-nous, na côté politique externe, qu'est-ce que vous avez fait? Avec qui? Comment? Maintenant, okomona lelo on le baboye 15 millions de bungi. Ah, l'omba kuna, mbandiste. Oh, di. Est-ce que batu oyo, écoutez, le monsieur comme Honoré Mbanda, il n'a pas droit. Donc, na yebite, yepe fou abima, a yebisa biso, ce qui va botola yé nationalité congolaise ou bien azalaganango toujours. Parce que ce que moi je remarque, à tout moment, lelo penza ba lobi ba yela ki nga na groupe. Tout le monde a parlé d'Honoré Mbanda. Mes chers amis, la question que j'ai posée, dites-moi, est-ce que ce monsieur est congolais ou il n'est pas congolais? Alors, na terme ya ba port, dites-moi, entre ce que Etienne Tshisekedi a fait pour Mobutu et ce que Mbanda a fait pour Mobutu, nani penza ko yiko leka na makala mbala moko? Batandre ye, nani? Nani ako yiko leka, batandre ye? Menon, tolobite ke azali le sel. Azali le sel te. Mais en tout cas, azali parmi batu oto yebi ke, ce sont des gens qui ont aidé Mobutu pour la sécurité. Et pour le moment, c'est la sécurité qu'on a besoin. On n'a pas besoin déjà comme Katumbi pour le moment. Mboka soye panzani, balango pour que de obeta wapi. Coupe du monde ou bien Coupe d'Afrique, pour que de obeta lango wapi. Non, on sécurise d'abord le pays. Et par la suite, biloko la nyonso, ou ezoya sima secondaire, et ko ya sima malembe malembe. Ça viendra. Mais d'abord, l'économie, la sécurité. Ezali eloko ba blagaka nango te. Ezali biloko moko ko tia politique na kati te. Parce que quand vous mettez de la politique tribale na kati, vous détruisez le pays vous-même. Vous détruisez le pays vous-même. Congo le commune nord, sud, est, ouest, mutu nyonso o alingi. Même un bandit, ya mboka moko ya frontière ya mboka na biso, akoyiko zwa maba militaire 5-6 à côté na kati ya Congo, akoyiko récupérer même district Mobimba. Akoyiko zwa même commune rurale Mobimba. Avant d'y pe azo futsa ba taxe, kolongola ye kokoma il faut ko kende na Union africaine bobonde la pardon boye bisabango babima, pardon toza déjà faible, pardon bolongola bango pardon. Mais non, le leadership est athée. yango na zobisa bino bande kona biso ona benga ba milouvor. Bon matabo kita ngai chez nous comme vous savez ce qui bobalani na ebite na ba na ba tribu mususu na Congo na ebite ndeni bosalaka. Chez nous ce qui bobalani famille ba belle famille na yo bokomi batuma lokola bozo se takine. Les beaux-frères entre eux se taquinent. On se taquine. Et boyebi très bien que entre ba belle famille ce qui bozo se taquine, il y a des vérités aussi qui passent na kati ya ba biloko wana. Alors, ero ke yo vandi ah mon frère a ibsa ngali kabwana, likamona penza ko taquiner te, wana penza alubi nanga. Et na kati wana pe profiter. Ba tebere bazala soka alo balikambo emwa ko bezate, akemela nanu masanga. Jana na ke ne ko melela bangona no moko. Tamo na koye la bangona lo baba vérité. Parce que soit a melite a kwa kolobate, to ye bani. Moi, quand je dis na bande konabiso ke ba milouvo, ça ne signifie pas que j'ai bande konabiso. Non. Nalinga bango mingi. Nalinga bango mingi. Donc, ko takine, ezali na sens ke, mon frère makambozo sa leza malamte. Bino moko bo koye bate, bo koye bate, que autres ça les a mabé c'est comme des joueurs au bazana kata ya terre bazo beta ba erreur mingi ba yeba kata ba osa la bere ba to bazo tala ba to ba mona ka bere er bazo ibisa bino entraîneur azo tala entraîneur azo changer g par rapport à ndenga azo observer bozali na pouvoir c'est vrai ndeko na bino azo na pouvoir c'est vrai donc ezalo ko la pouvoir na bino mes chers amis berero ndeko na bino azo sala bino boko mona ngote. Bino bozo zwango nyonso na cadre moko ya fanatisme, ce qui est normal. Alors, bo landa kabiso, parce que makambo nyonso tozo mona lelo, eko maba union sacré. Soki Félix a yoka ki ango, dès le premier jour azo ki pouvoir, tu nato koma na niveau te. Quand on vous dit, bozali ba milouvor ezali ko finga binote. Moi, je les classe en tout cas na cadre moi ya ko taquiner mes beaux frères. Na koi ko yebi sabino, na koi la sabino. Mon colonel, j'avais promis à Kolakisango, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nazali na papier moko awa ya Western Union. J'avais envoyé il y a deux semaines passées. Soki bo moni mutuna tindeli mbongo boko kamwa. Mutu na tindeli mbongo kombo na ye ngala mulume. Na tindi. Aye inbox. Papa na yebi. Na yebi ke lobera ba milouvor mingi. Mais franchement, makamuso lobaka, ezali vérité. Mais na ye pa na yo, ta la situation. Ache video. Ta la situation awa. Papa sunga na ye. Parce que bino bande konabiso so boti karabo ege non ndeko na bango azali na pouvoir ndeko na bango azali président ndeko na bango ko sali sa bango ndeko bozo boko boma biso tozo kufa ambujimai natala karabo ye vous savez nga ermo na supporta ka na supporta biloko anati donc faiblesse nga yango ana. Donc, s'il faut travailler, na kati nanga personnalité nanga, souvent, je, parmi biloko, il faut que travailler nango. Je dois travailler nazalaka na mutema moko. Quand je vois quelque chose, ba larme ezalaka pembeni. Donc là, en tout cas, ezali ba défaut nanga, faiblesse nanga. Parce que quand vous êtes, vous voulez être un leader, ba émotion mingi il faut que luka maye ko dominer nango. Na, vraiment na siko, na zo travailler sur yango. Mais ils a passé. Na tuni papa na kombo na yonani. Ngala mulumi. Na kopesa kombo nyon sote. O vandi wapi na mbunji mai. O kuna na zombo na nani. Mwana ngaya liboso. O kuna mwana ya boye. Mwana ya boti na ndaku. Mwana boti na ndaku. Na tuni abando kene matente papa. A oke ete mbongi ekografi ezati. A boti na ndaku komplikasyon. Mwana mususu kuna pota na likolo nani ya osaka nati. Koma? Hôpital ezate. Papa, ezate. Bango pe bango nyonso muto olobalingala bien bien ezate. Moko kaka mwana oya mwasi. Je pense que c'est là, 16 ans, quoi, le balingal. J'ai pleuré. Naïbi, c'est là. En tout cas, Naïbi, Sabino, que je n'ai pas, quand on a dit ça, Balouba. Ba milouvor eza ba loubate. Ba milouvor eza li batou oyo, ba koman na obsédé na Tshiseke, famille Tshiseke. Ba wana ba milouvor. Je vais vous aider, pe sangai kombo mobimba. Ah, luka kombo boye na carte d'électeur et monente. Na waka mwana moko, ah papa, ayeko bimisa carte d'électeur et katana. Nini? Azo ba tiruba nazo comprendre mais azo lek sa moi carte moko c'est quoi ça? On a carte d'électeur et ça nini ba mpuku balé. Carte d'électeur ba mpuku balé ndambo etikali yake ko landa na libulo ba mpuku. Bon nani azana carte. Mama azana ngo ake ko luka. Natindi. Nazaki nango ebelete. J'ai envoyé $300 na famille wana. $300, ba yeko ben nga après, 4 jours, ba zwa kite parce que complications ezalaki, natinda ki, pardon, na Western Union te, natinda ki na MoneyGram. Ba zwa kite complications parce que kombo na changa ki. Ba ngo ba lingi kombo ezala, nom, prénom ezala. Après 4 jours, ba zwi. Lelo oyo, lobi, ba zo ben nga, ba lobi nga, na $300 on a balongoli $100 bazuinda kokufute la moi na o abotaki ba meme na maternité et azali bien et ba pesi moi na wana kombo Yombi bon mes chers amis il y a des histoires na mboka na biso tokoki ko yinana, tokoki ko bunda, na cadre ya politique, mais tozali ba ennemi te. Moi, personnellement, bande konanga nyonso na considera bango ba ennemi nanga te. Bien que bango bazo considere nga ba ennemi. Na vandi awa, na yoki kuna balobi na Canada o, mutomoka mwona kinga na Ottawa. Nga nazali awa. Mususu ono, tomona kie ba yebisi biso se sur, na mutu ya sur, azali na Sydney, in Australia. Nga nazali awa. Nazaki na Genève. Botiki mutu wana ndengeni na Genève. Botiki ndengeni ni pe azongi. Papa. Tozali boposa, tozali benemite. Siko na yaki na Genève bo lukangai, po bo salangani. Na yisa kabino, moi je peux rencontrer les enfants de Félix. Nako sepela mingi koutu, olieba kende kova na hotel, baya kova na ndako nangai. Franchement. Je vous ai dit la fois passée. Ma conseiller Félix, mon fils, est parti à Keko Lukabango, a memi bango na restaurant à son bibilo ko bali. Un petit garçon de 18 ans. Tout ça, ben, n'est-ce pas? Mboka est commis na problème moko très sérieux. Alors, ce qui réellement olingi ko sali sa mboka, réellement, ce qui olingi ko sali sa mboka, ndeko, eza ko sala ba mascarado te ko keneko luka bakatumbi, ko keneko luka bakatumbi wana, c'est juste le mativisme. À ce moment, Félix a besoin ya batu oyo bakoyi ko sala musala. Ezali na batu oyo bazali na popularité te. Parce que cette popularité bako sala eloko moko te. Ceux qui suivent Katumbi bazo landa Katumbi, po Katumbi aza ba mona ye nan te. Et pas na biso pe ba milatre, soko yoki moto aza milatre kongola landaka. Mundele. Pa na biso to benga ba métis ba mindele te. Chez nous, na bandu na masemani ba balandaka nani Olivier Kamitato pourquoi? Olivier Kamitato aza lokola mundele. Ah Kamitato aza lokola mundele lo ba lokola mundele bazolanda ye. So tunye yozo landa Kamitato ni. Oh ake mundele. Muke landa nsa ake mundele. Na moma oyo si réellement Félix avait besoin d'une union sacrée. Il devrait construire une union sacrée avec des bosseurs. Avec Batu Oyo, bakoyi ko ya d'abord, ko ya na ba pilon wana, économie, sécurité et politique interne yamboko na biso na externe yamboko na biso. Ils sont là. Ils sont là. Ba mususu ono na kuzwa bangote paske bazalaki na IDPS na papa na ye, ils se sont embrouillés avec son père na kuzwa bangote. Des gens comme des docteurs Mpuila. Ce sont des gens qui sont intelligents. Mais Félix a kuzwa bangote. Des gens comme Moubake. Ce sont des gens qui ont travaillé pour l'IDPS. IDPS a bavane comme Monaco, IDPS Tshisekedi. Tshisekedi, au fait, lui-même ne travaillait pas. Des gens qui travaillent, c'est comme des gens comme Moubake. Des gens comme docteur Mpuila, par exemple. Ce sont des exemples que je prends, Bato na yoka na musika, et na pembe ni pe na mona, que ce sont des gens qui sont intelligents. Alors, Félix reste dans le mativisme. Bon, moningai, ye aza na popularité, na zoye, non, oza na besoin et loko na sikote. Le mativisme, oza nango besoin sikote, oza nango besoin na era d'élection. Siko oza na besoin ya stabilité ya mboka na biso. Bato bako yiko mema stabilité ya mboka na biso na bazali. Bazali. Boyebi ke, même oza na mbongo, ye moko, aza na mbongo, salaire, boyebi ndenge zali. Bana na ye, bandeko na ye mbongo, bazako zwa. Est-ce que bazali na sécurité ya malamu? À l'époque de Mobutu, moi na Mobutu ako yiko longwa et sika bana ko vanda ye na njili. Père moko ko zalate ke mutu moko ko zwa même li banga ko bamba moi na Mobutu. Parce que sécurité zalaki. Ozala na mbongo ndenge nini soki sécurité za malamu te, oza pauvre. Alors, moi je croyais que to kokai ko bundana, to bundi entre biso, eza makambo ya mboka na biso, mais ce qui n'est qu'au a une intention réellement de travailler pour le pays, il va chercher des bosseurs. Parce que Batou Oyo qui travaille Bazali, des renommées internationales Bazali, des renommées nationales Bazali. Ako luka Batouana, ba vanda ba travailler. Mais voilà, lui va chercher qui? Il va chercher un seigneur de guerre. Moutou Oyo a renommé na Koboma Batou, Jean-Pierre Bemba. Il va chercher un mativiste. Katumbi. Oyo yebi treme ke Katumbi nenga zana ndenga zoya na présidence. Oko yiko zwa un bout de papier yangoyo. Ti donna Katumbi, kanga porte, tika na kata ndako. Oya ko fungula porte na oya ko bima, papier ndenga ko pesa kiye, papier vide a komye loko mwote. Oyebi yango. Ko zanga ko tanga ezali sumote. Oza na ba raison na yo, onga na mona ka ba raison na ezali ndenge wana, yo moko za ba raison na yo, pourquoi vous n'aviez pas avancé pour na kotanga? Ezali de soumouté. Mais ce qui chance yeli yo, ba pesi au pouvoir. Mon cher ami, entoure-toi na bato qui peuvent travailler. Ba famille na yo, oye na bango wana nyonso ba kouze tout le monde wana. Remercie bango. 2 ans c'est trop. Remercie bango. Ce pays-là, dans le moment où Tozali, vous ne pouvez pas reconstruire, vous ne pouvez pas assumer la sécurité, vous ne pouvez pas remonter l'économie en Mboka na biso avec ces gens-là où Bazali autour na yo. Oyebi yango pe très bien. Mais hélas, les gens qui peuvent travailler pour ce pays-là, Bazali, batu ya ko abattre ko luka bango avandi wapi. Ko luka bango, oyo bo ya vandi wapi. Et quelqu'un me dira, bon, il y a des histoires là, il faut pas en parler. Siko to sala deni. Parce que biso na niveau na biso to kotika te. Biso to kotika te. Parce que c'est notre pays, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir d'aider notre pays. Nous ne venons pas parler pour aider Félix ou pour détruire Félix. Nous venons pour construire notre pays. À travers ma kamunabiso otozali koloba, moi conseille moko koyi koleka, mutu moko koyi ko bosa na loko moko, mutu moko koyi ko rate loko moko, akoyi ko zwa, conseille wana koyi ko aider. Parce que quand même to vandi na bamboka oyo to yebike, ezalaki bamboka moko désordre moko ezalaki total. Na pesa kabino exemple ya Corée. Corée ezalaki débandade moko total. Mais ces gens ici, ceux qui ba komi na niveau ba ko 11e puissance du monde, 11e puissance économique du monde. Et ça là qui pour nous causer un activiste, le quoi la bakatumbité. Tonobité katumbi aza kimpoaka non. Tonobi katumbi azali une importance. Mais importance à katumbi ezali na moment ya lelote. Important c'est qu'Atumbi et Zali, ce qui stabilité dans le cannabis et côté, sécurité dans le cannabis et côté, on peut penser dans le loisir de la Babal. Ah, nan Zali expert dans ma camboyana pour reconstituer Babal Nabiso, parce qu'il a prouvé dans le passé, on va chercher M. Katumbi, viens conseiller. Tout ça, la dernière, il peut remonter niveau Nabiso, tout ça, qui est en 1970. Tout ça, la Coupe d'Afrique. Donc, il y a comme du monde, même ma PSA 9-0, problème, mais ça, c'est essentiel que Tokoma. Alors, Tozali, na période Oyo, je pense que, Baego na biso, Mouto Abandono, Mouto Kasai, Mouto Aboye, Fouto Tikango. Alors, moi, excusez-moi, logique n'angaï. Ce que j'ai dit, je pense que Moutounou Sazo partageait en gros, Ezali Ndengwana. Bayer Ezali est belé avec Félix. Bayer Ezali est belé avec Félix. Je sais, Batoubazo Memaye Bayer Rwana Mingi Mingi, ce sont ses frères tribaux. Bazo Memaye Bayer. Parce que quand vous chantez béton, béton, Félix Natangwazo ka béton. Félix a qu'on a vérifié est-ce que Nzela ya campus ba Komboli. Félix a qu'on a vérifié est-ce que na bindungi na mboka na ngai Nzela za kotonga. Félix a qu'on a vérifié une personne a kotamu na ba place na nyonso te qu'on a vérifié. Mais à cause la na thermomètre ko yeba est-ce que azosala musala malamu bien musala malamu te. Na ba slogan politique wana na tango bozo ba béton. Félix a zo remarqué que ah ce qui batona bazo ganga béton c'est que musala azosala malamu. Et il continue na ba bêtise wana bandeko. Tout comme à peine à niveau moko, Félix natango azo tambou la place na maman moko aya telemisiye. Papa telema na ningi koloba na yo. Papa, batusoy bazo benga yo béton. Bazo kosa yo. Kende na nzela ke mwenza. Nzela za kobukana. Batongi nzela te. Na bandundu kuna nzela za malamu te. Na kasumba lesa kuna nzela za malamu te. Na kabaya ka mwanga, ekole za malamu te. Oyo bazo benga yo beton bazo kosa yo. Mais natango moutou azo le kabine nyonso beton, beton, beton. Mais yeta azo kanzake, misala nyonso ezo salama malam parce que bato bazo benga beton, bozo induire une erreur. C'est ça le leadership africain. Mingi mingi ba leader africain soki bazo échoué, il n'échoue pas parce que bango moko bazo salama be, mais bato o bazali na périphérie na ye. Bazali ko kosa ye. Parce que pour eux, ils trouvent le moyen de se procurer quelques dollars. Alingi kaka tika la na situation wana azwaka. Azoko sa siko ba rapport et pa ya président. Moi, je ne dis pas que Félix Azali Nzambe na bâton magique, mais non. Ce qu'on demande de Félix, Azali Mutumoko Oyo, en réalité, berere ko yiko yane bandeli boyete. Parce que c'est quelqu'un qui a milité, semble-t-il, pendant 37 ans. Omoni période à Mobutu. Félix est passé la période à Mobutu. Félix est passé avec Laurent Désiré Kabila. Félix est passé avec Joseph Kabila. Félix Azali parmi Batou Oyo Bazali mieux placé à comprendre qu'est-ce qui s'est passé Banda Mobutu Tisikoyo. Et elle a comme un pouvoir à commettre sous son erreur Wanati. Mais hélas, voilà notre frère qui vient. Au lieu y'a quoi améliorer sur base y'a ben rare autre manière qu'on criait contre Mobutu contre Kabila 1 et 2 y'a aye kaka na ma même rare ouana y'a ben népotisme même rare ouana ba y'a mbaka y'a béton béton alors ouana zomon aye kaza na gloire Moussa les ali malamu n'zokande pays et zo beba quand Félix reçoit Katumbi tout le monde crie béton. Mais mes chers amis, vous criez, Félix reçoit Katumbi. Vous criez béton. Qu'est-ce qu'il y a entre Katumbi et Félix pour Nambo Kanabiso? Qu'est-ce que Katumbi peut apporter pour notre pays à part Makamba Bal? Ndenge na utiko Makamba Bal eza mabete, mais si koto za Makamba Bal te. Moi, j'aimerais voir, par exemple, Batulokola Bampuila, Batulokola Mubaki, Batulokola Honoré Ngwanda. Moi, ça ne me gêne pas aujourd'hui. Nalo, par exemple, le béton, ce qui n'a yoki que à papa yaka. Yaka. Na lembi. Makambo oya sécurité zandengini. Les quelques fois je parlais avec ce monsieur-là, je ne pense pas que monsieur Anakobo a copé sa conseil n'aille pas Félix. Mais ce qui empêche et le connaissant les mains. Bato o baza pemé na Félix. Na ko révéler bine le moko bato à présidence ba ebisinga. Na ba consultation oyo Félix dit na ba conseiller na yemi balé. Na lingi na tinda délégation ya présidence ba conseiller misatu ba tambola ba kende na Europe, ba kende na Amérique, ba kende na Asie. Félix a pona ki trois pays bato na ba kende. Trois conseillers ba kende na Asie, Chine, Japon, Corée, asangisa ki Chine, Japon, Corée na Australie. Trois conseillers ba kende na Europe, Belgique, ba sangisa France, mboka na nyonso, mais ba kende na Belgique. Ba tia base na Belgique. Trois conseillers ba kende na Amérique. Trois conseillers ba kende na Afrique du Sud. Ça, ce que je vous dis, c'est vrai. Pourquoi? Alobi boy, dans ma consultation, oyo, ba conseiller o bazo kende na Asie, na Australie, bo identifier ngai les Congolais qui sont assis na bamboka wana. Bo identifier ngai ba Congolais o bazali assis na mboka wana. Na bamboka wana. Bo solo na bango, ba moni ndenge nini. To sala ndenge nini. Ope ba okende na Europe kaka ndenge moko. Ba liste zala ki dresse, je veux vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Na Europe kuna ba liste zala moulayi, mwa ina retenir, na loba awe zate. Na niveau ya Asie, mon nom a été cité na première position. Ya un frère qui est professeur d'université na Japon. Kombo na yezaki. Na yebiyete na yeko muna ya kombo na liste wana. On dit, oh, ya aussi un frère qui est professeur là. En tout cas, félicitations. Il y a un autre frère qui est aussi professeur d'université à Sydney, en Australie. Savez-vous pourquoi ça a raté? Monsieur Topin, n'a pas conseillé Moussousou Baye pour convaincre, parce que j'ai une liste wana dressé. Bazo zela ke mbongo ba bimisa pour que batwana ba voyager. Et oya Europe, ça je vous signale, monsieur Honoré Ngwandete parmi batuna première position. 12 personnes en Europe bamona, bakuta na bango. Ya la maman Candide Okeke, qui était aussi dans la liste, ce qui bakuta ina Ngwandete. Monsieur Topin na ba conseiller Moussousou arrache cette liste, bake ko Luka Félix ba yipsi, non. Batu oyo bazo finga biso. On peut construire le Congo sans eux. Et d'ailleurs, bazali le seul te o bayeba ina bamboka wana. Mais Félix a dit cherchez-moi les Congolais qui sont assis na diaspora. Yanga kutu ba longola ki yango kutu ava ba kome pa Félix. Mouyaka oyo jamais. Et pourtant, biso tozali ba demander d'emploi. Mais notre souci, c'est notre pays. Les gens souffrent chez nous. Moutou moukwa koyo beta bâton magique, te makamne se changer. Donc, c'est pour vous dire que le président africain, les leaders africains, en réalité, ceux qui bazali kou échoué, bango moko même bazali na volonté. Yako faire décoller pays. Ezali batu o bazali autour na bango. Qui les empêche toujours. Basala misala malamute. Moi je vous dirais, la personne comme Topin, Pemenia Félix, mais Ezali poison. D'abord, ton père a menti Félix dans la liste de conseiller. Vous allez voir que ton père a tient dans la liste de conseiller. Excusez-moi. C'est pour notre pays, il faut tout le monde la vérité. Ton père a tient ma girlfriend na ye. Où est-ce qu'il na Canada? A Kenya na bango ba conseiller. Où est-ce qu'il na bango na Europe? Era babaneko lukaye na babelge kuna bakangaye era sala ki makamba chekula parce que vous savez que ton père a kimaka na Canada parce que na Europe na Belgique a sala ki makamba chekula babaneko lukaye bakangaye akimi akei Canada. Donc il a recruté tout le monde babel ser na ye batunyoso et il a menti na Félix que ba on habite mais en tout cas bazali batunabiso ya IDPS batunabiso ya IDPS nzokande na kata liste wana ton père sala ki. Parce que c'est lui qui était la charge de rédiger Batou Oyo Félix a nommé ba conseiller. Et il a écrit ba nom ya ba copine na ye nyonso. O baba neko yana mutu. A tché la liste. Elles sont là. Ba sa ba conseiller. Donc, je disais, na ba neko si ça déjà. Pona ko sali sa mboka, pona ko tombo la mboka, ba sacrifice, ezalaka très important. Ngai na ko yiko bunda na mutu moko. Ngai na ko yiko bunda na mutu moko. Pete na ko revele bino eloko asuka poto kata. Ya notre cher ki e na France, yuyu mutu mosi. Savez-vous ngana yuyu mutu mosi ya banande eni? Bitumba na Facebook. Elle a écrit quelque chose, na lobi le contraire nango. To swani. Te soigner, oui, te soigner. Mais par la suite, elle a remarqué que Makambunga na lobaka ezali pona mboka. Moi aussi j'ai remarqué que Makambuya lobaka ezali pona mboka. On s'est concilié. Oh, nous te soigna ki to lobani na inbox, to bandaki nanu na public, ekei na inbox, te soigner, te soigner, te soigner. Mais non, tout ça on peut mettre de côté parce que ezoka un intérêt ya mboka na bisoté. Ma chère, yo zo bunda po na mboka. Ngala zo bunda po na mboka. Alors, mwa ito me mabego na biso na public bo ezate. Eto swana ki po na nini. Ah, no prof. Ngala lobaki bo ye yo lobaki. Ah, ma chère, na moni ki ngala zaki na erreur peut-être. Excusez-moi. Ah, mon frère, ngala moni ki yo kuto zaki na raison, ngande mout na zaki na tort. Excusez-moi. On s'est arrangé. Et c'est tout. Pour les pays, bilo kwa la nyonso, on peut se dépasser. On peut se dépasser. Moutou o apesi Félix pouvoir. Savez-vous combien de fois bofingaye? Mais la politique, a bosséne makambwana nyo sa apesi bino pouvoir. Bofingaye kota outa na Rwanda. Bofinga mama abotaye. Bofinga mwasi na ye. Sans le savoir que mwasi na ye azali ndekonabisope. Azali congolaise. Azali a besoin de respect. Bofinga ye ti na ba intimité na ye. Nani ye biangote. Oliva Sambwe, ti na ba intimité na ye. Mais Kabila ye koloba pona politique na ko pesa banka pour pouvoir, a pesa bino pouvoir. Alors, mais pourquoi? Pourquoi empêcher Batou Oyo ba koyiko sala musala réellement? Des gens qui sont formés pour ba sala musala réellement. Ba koyiko sala musala te parce que ba finga bino. Mais ngai na koloba, ngai même na kei moi quand, même si j'ai rencontré Félix aujourd'hui, je vais lui dire, tu es mille voix. D'accord, il dit, ça y est. Oh. Mais là, mon frère, nanga, je peux le taquiner. Aza mille voix. D'accord, il dit, ça y est, aux mille voix. Le neve nanga a 50 000 dollars. Naïf, c'est début. Nous avons le pouvoir aussi en gasse aux 1000 dollars, mille voix. Et si la bavane qui bangonne sur ma zone, c'est quoi? Oui, bon, ça va mille voix. Baza mille voir bango ba kena limité kuna na 10e riko telema. Asoba voiture na ye msala sala ka soka longu msala na ye alikena limité na 10e ri na voiture telemi wana. Azo zela mona bato ka bundu soki bazo bima soki ba voiture za okokate azo moko acha ya kende kotika ye. Et c'est moi qui achète le carburant. Alors, pour na pays, on peut s'insulter tokoki ko bunda. C'est dans la famille. C'est dans la famille. Alors, mais ce qui est ennemi, que tu sais bien mina binon. Bon voilà, comme pays les Arabes sont nions, nous devons s'arranger aussi pour prendre le pouvoir. C'est tout, il y a pas d'autre solution. Sachez monsieur Zaka, parce que moi les Arabes sont tous à propriétaire. Alors vous nous interdisez de jouir toutes les opportunités à cause de ça, moi qu'on a bissoté. Parce que biso to finga bino. Parce que biso moko mi balé tel à salana mobutu. Ye ako yana bisote. Ye ako salana bisote. Aza mobutiste. Ye azali boy. Ye kuna finga biso. Ye kuna salaboy. C'est comme si mboka an ezali royaume ezali ya bino. Alors, quand vous vous mettez dans telle position, nous aussi on se met dans une position de défense. On se met dans la position de défense. Alors, le quoi les mboka na biso? Chacun a le quatuor naï. Peut-être y a bisous les lobes lobby lobby. Et nandengenini, motomo kwa yebi yangote. Voilà, mes chers amis, to oumeli mingi le loi. Merci. Pona Olanda biso, merci. Et Roberto Akimi, balobi Roberto Akimi, Roberto Akimi te, Roberto aza malade te, Roberto a, comme vous le savez, na est ba rébellion, ba fausse rébellion, et zo salema déjà. Roberto a siko azo zela. A koza l'analyste, la ministre bia ozalati. Roberto a comme d'habitude ndenge ba kendaka. Ba kosa aza malade Afrique du Sud, après Afrique du Sud, oyo ga yena Kigali. Roberto n'est pas malade. Roberto aza yina position a kene ko rejoindre rébellion o bazo sala siko yo. Alors, ce qui a yoki, ba tche kombo na yena liste ya ba ministre, rébellion et que ça la sous de l'autre côté, Roberto a rozonga qui a biki na malade. Mais je vous dis, Roberto n'est pas malade. Roberto a rejoindre Kigali. Comme vous voyez, Bangonioso, Bakinana nous na position d'attente en Afrique du Sud. Bazozela. Bokotia Bango est ministre? Oui, Baye. Ba ministre était rébellion. Nyonso o elingai kolekati. Nyonso oyo soki bolanda conseil na biso nyonso oyo elingai kolekati. Rwanda bache base na bango na Nyiragongo kuna. Base militaire ya Rwanda epa na biso. Oyo pe kabila muto autorisé. Ce qui se passe na Kinshasa eza bien pe. Ezali. Il y a quelque chose qui se prépare eko salema. Bino bozwa kabakatumbi bozwa bango. Bozo abakatumbi, croyez-vous que bakatumbi batu bako sala musala? Batu msou baye bako pesa batu bako conseilite. Moi, si j'étais conseiller de Katumbi, na koyebi seye que papa, politique, c'est pas pour vous. Continuez na business na yo, bande ko sala business bien. Osombi budget na yo privé, osa bien. Donc, politique wana ezali vraiment forcé. Hein? Mes chers amis, ce que je regrette na zana ndeko nanga moko na lingae minga zana Suisse. Ah! Ndeko oya mwasi Katumbi donc ou bien la mort. Mais ndeko na vandi na Suisse. Hein? Ndeko oya vandi na Suisse. A oumeli na Suisse. Vraiment. Expérience au nyoso ozui na mboka na ozali. La personne que toi tu proposes de diriger ce pays, c'est Katumbi. Non, na komona ke nazo revete, soki na yo ke proposé Katumbi za la conseiller na ministère ya sport, na football, wana vraiment na kozala tranquille. Mais vraiment, franchement, moto o ko dirige mboka na biso za Katumbi. Parce que mboka na biso za ba lite belé. Lite interne, lite externe. Alors ça demande l'intelligence. Bono bagate ke non, est-ce que diplôme mouté dirige ka mboka? Té! Expérience na makamuyo c'est bon ezala kamala parce que ce qui expérience wana na diplôme ya bien zate na libanda okozala wi okoyikoloba parce que muto okozala africain un président africain qui doit faire décoller l'Afrique c'est un président qui doit être dur avec les occidentaux azali président okozala dur na ba occidentaux et okozala dur na bato wana il faut ko yeba bango il faut ko yeba ba méthode na bango ndenge nini basalaka ba asiatique basala yango ba asiatique lelo botala ba mboka ya zi ndenge zo mata ba yebisi batona oui to lingi bino ha mais botika biso moko to sala makambo na biso ba poni entre bango ba vrai élite alors ba vraie élite alors. Oh, nous, on a dit qu'il y a un sacanabo, oh non, populisme, oh non, mativisme, le coup bakatumbi. On a déclassé, on a discuté, on a prison. Parce qu'on a empêché quelque chose. C'est comme ça la Corée, basala. C'est comme ça Singapour, basala. C'est comme ça Taïwan, basala. Na elle, on a réformé Mbokana Bango. Ba poni ba tête. Ba pona ki te sa, parce que moutou oyo, azana 10 personnes ba landagaye. Moutou oyo, alo ba kaboye. Te, ba pona ki ba tête. Alors, ba mbriyer nyo so bandeye koya, ba tulokola ba mokoko, ba tulokola ba katumbi, ba bandeye ko emprisonne bango. Elle ba monike stabilité, ba niko kota ba libere bango, parce que to tche deja base, ba ko mbriyer sou souti. Voilà, merci mes chers amis. To umeli mingi lelo. Eza la période de fête, bon vain na banda ko ba confinement. Ne me tenez pas rigueur. Allez. Botika la malamu. Année esi la malamu. Protégez-vous pour na contre Covid. Bobonde la pona biso. Bobonde la paix pona Félix. Nzambe vraiment a travaillé panayé pour que nzambe alobelaye que esika oyozali o mérité yangote il faut ko longwa. Dieu peut faire des miracles. Alors bande ko na biso nzo ba minouvor nzambe azala na bango abongo la bango mitema batika kindoki ya ko ndimisa biso eloko o ezomona na ezate me bango bazo ndimisa biso ndimakaka. Ezala mupepe zate, bango balobi mupepe zali ndi makaka. Alors, nzambe azala na bango, apambo na bango. Bon, nazala pena don ya ote ate, na ebite. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Ane esuka malamo, na ebite trebe ke esuki mabe, ane panabiso, ezali mabe. On espère que ane oe gobanda, ça sera l'année oyo Kongole bako sa l'exception. Oyo Congolais akoyeba ke na mboka na biso patu oyo ba batama bazali ebele o bakoyi ko tombo na mboka na biso bazali e bato na pe nzambe akote la bango esika ba batama na kuku ba bima pour que tomeka yempe ko salisa mboka na biso. Alors bande ko na biso ba milovor botika kindoki botika lukuta botika kindoki botika lukuta, botika muyibi, ezali mabe. Soki botiki lukuta, botiki ndoki, botiki muyibi, vraiment tokoyoka na très bien. Tokozala vraiment ba beau-frère, na ba belle-sœur ya malamu. Mais, entre-temps, vous allez toujours milvor, to longoli yangote, vous allez toujours ba milvor, ba longola bino ba cerveau, mémoire ezala soute, bobo sa na pamba pamba. O pena uti ko lo babanda na lobby o ba landinga deja basi ba bosani na lobby nini. Alors tozali bandeko même si bozali ba milovor mais boza bandeko na biso je vous aime beaucoup yango na lobaka mingi pona bino soyi muta lingi yote akopeso conseil ta ko lobate pona yo akotiko na mabe wana o continue nango so okufa nango okufa nango mais soyi muta lingi yo akoya ko lobela yo parce que alingi o changer yango na ya ko lobela bino mingi boza pe ba bo frère nanga même si boza bandoki. Vous avez un beau frère quand même, tout le monde en côté. L'Ibale, c'est ça, le ma. C'est quoi tout ça, la DNI. Nakabila, Bokabouani, mais l'Ibale, c'est ça, la ma. Bobotibana, FCC. Bon, monte l'Ibale, Koufi, papa, Bobengani, maman, Bana Bakenda, et pas Nani. Bana Bakenda, et pas Mamad. Bana Nyonso, Félix, Azui, Bango, FCC. L'Ibale, c'est Koufi, Bana Bakenda, et pas Nani. Bana Bakenda, et pas Maman. Alors, Babengani, papa. Papa akena ya zote lingana, soki na kibazali, soki na avana, kuna zoli ya ba manga, kuna na avana. Alors, bana nyonso, mama salinini. Mama azui bana babota, azui bango, ba salinini. Batonginda kwa sikati, inyo sakre. Alors, biso sikoyo, tozali ba noko. Kwa hibisa kabatu, bana o boboti, kote ba kendari na libala, ya FCC cash, ke, tozali na ba noko, bazali. Alors, ba noko wana, bazali mitu ekemba. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, mais, non, écoutez, passé 15 ans, hein, passé 15 ans na kotange loko. Et ça quand même blague tu. Et ba tope ba yeko pe so diplôme yango pe ka bato bato basala science bango pe. Ba lobi ah yo to moni ki yo vraiment okoki docteur. Bon, ko kende pété. Ko ba msusu ba pesa ka bango ba pe so docteur a kende na yo. Bango ba lobi papa, yo tangie para to tangi si yo. To moni ki yo penza o tangie malam. Zwa docteur. Après ko kende te zala awa formé bisobana. Ah, ndeko vraiment beau frère, ata ozala kamte amabe. Hein beau frère. Ata vraiment ozala kamte, ata kindoki yango eza vraiment ya ko pirjé. Hein? Ah! Batu oyozo mona baké tele mais ça Félix na ba cimetière, ba memien na ba New York, na ba Washington, na ko tala ka ba frère. Bino bo benga kabango ba donateur, bino bo benga kabango ba savant. Ba savant vraiment ba tangisi ba. Ba savant ngope ba lobi bon, yo lokwa to tangisi même si oza mutu mwindu, yo ko zonga te yo tikala awa o tangisela kabiso bana. Vraiment bo frère mutu wana za camarade na yo. Hein? Ata ko to respect ngo pona kindoki. Po kindoki elongo la respect. Bo mona même na bandaku soki mwana za la respect na mikolo te. Aza ndoki. Alors, kindoki soki elongoli yo respect. Moko quand même moi mon limo ekoko yela yo moi mon pepe malam. Soki na Congo pe ba pasteur beglise leka ebele. Mamsu o leka ki na tongo kote moko balobi alléluia amen. Moi ndamba kindoki elongwe muke. E conscience wana ekoko zonga muke te lo bake no. Bato wana vraiment bazali ba grand prêtre to ko sakana bangote. Faut faire attention. Parce que mboka na biso ndezo komisa biso boye. Fuka même koza la boye po na mboka na biso. Mais il faut faire très attention hein, parce que zana batu ba grand prêtre bazali hein. Oui. Na lo bate que je suis grand prêtre mais parmi moi ba grand prêtre nazali hein. Na yebi que ba grand prêtre ba congolais bazali et belé bazali ba bombana. Alors, ndeko vraiment ki ndoki longola yona respect nyo sont vraiment ki ndoki. Ki ndoki o isa dengeni hein. Surtout ki ndoki oyo e utana central na biso kuna grave. Voilà mes chers amis, merci bozala malamu ané oyoya. Nous continuons toujours la lutte, nous continuons toujours à défendre notre pays, nous continuons toujours ya kolobela banti valeur batu ba reconnaître biso te c'est leur problème. Je demanderai en 2021, je ferai ça live, hein, je ferai ça, je pense, la semaine prochaine. Tous ceux qui disent là, d'ailleurs moi, en 2021, je vais stopper de répondre à Bimpwaka. Vous avez très bien que Bamilouvor, la plupart, c'est Bimpwaka. Donc, vous avez une carte. Vous avez Kimpwaka. Bonjour, monsieur. Kimpwaka. Voilà. Donc, Bimpwaka baza ebele. Mais Bimpwaka wana baza batu na biso to kobwaka bangote. Hein? To kobwaka bangote Bimpwaka baza pe na importance. Bien que baza ba milvor, baza le Bimpwaka to kobwaka bangote. To za na bezo na bango. Mais ba yeko zwa chance que un criminel o auti un parvenu auti na Rwanda a zwi pouvoir a pesi bango. Alors to kosala ndenge nini? Asi a pesi bangote to kosala ndenge nini? Nous devons maintenant conscientiser que pouvoir bakenda nango boyete. Ce qui pouvoir akabile baneko kenendengo na parce que Kabila s'en foutait de nous. Ezali mboka na yete. Ebonga te, c'est pas son problème. Mais maintenant que vous dites le monsieur est congolais. Pouvoir ezongi na biso ba congolais. Alors maintenant, to lakisake biso ba congolais ya solo tozali na pouvoir. Biso ba congolais to lakisake tozali na pouvoir na ko attaquer te na ko luka biso na ba aéroport te na ko luka sala ka musala ni te rapport ni nezali entre moi na musala na sala ka isika nazali rapport ezate parce que mata okita na za professeur oko longola ngote mata okita o ganga o sauter o beta bibololo ba shit libre e ko changer te na za professeur. Alors parlons Congo. Que professeur n'a pas de problème dans le Congo, ça n'a rien à voir avec le Congo. C'est complexe. C'est complexe. Vous avez 2 ans, il y a un autre sali. Il y a un autre en 2021, je vais vous demander de déclarer cesser les faits. Parce que na moni contre pièce. Deux ans mobimbanga inabino. Na ko sala live. Deux ans mobimbanga inabino. Na moni contre pièce à ta mokote. Je vous ai étalé tout. Tout alors. Et na ko loba o na bimisi ezali juste le un dixième de moi. Na moni contre pièce à ta mokote. Deux ans. Kobande tien tisekiri omo lumba. Ti na moutwa souka fils mokoko. Na moni contre pièce te. Oye koki se gale nangayi. Na moni angote. Alors, 2021, déclaré cesser le feu. Et 2021, to continue na lancer moussous. Soki bolingi. To continue na lancer yambo kanabiso. Ya reconstruire mbo kanabiso. Ce qui bolingi te la guerre de 100 ans. C'est quoi l'épisode numéro 2? Oh, Nabimi Sionez Alaki, un dixième. C'est quoi ton compte en phase, il y a deux dixièmes. Et phase, il y a deux dixièmes, on a battu, bako beta makarikali. Tous en a besoin d'angote pour la Congo. Et l'autre, tous en a besoin, est-ce que makambo tozo lo bayango ezo salema, vous changez. Ce qui bozali na besoin, ba conseil na biso, bandeko o baza disposé bako yiko sala musala na bazali nous tozana musala na biso là où nous sommes bisika nyoso to salaka mwa lipa ya bana zanga kati mwa ko tambola pe ezali esika ko tcha mutu ezali c'est l'essentiel sur cette terre des hommes bandeko oyo bako yiko sala misala wana bazali on peut vous aider ko pousser bandeko wana même si bazali dire bandeko na ba mek un peu ko doser pour que pour intérêt ambo kanabiso basala musala pour ambo kanabiso soki bolingi toki ne toujours na bras de fer et continuer ti masuka mais bras de fer wana ezo pesa intérêt mo côté na peuple na biso bon moni 2 ans yango to marcher na bino na match kwata kwata. J'ai présenté toutes les pièces. La moni a ta moindre contre-pièce. Et là, on a moni kaka, aîné, tribaliste, jaloux, pangistanais, wandiste. C'est tout. La moni contre-pièce à ta moroute. Donc, Nazali, grand prêtre, l'icolo, programmez-moi. Vous proclamez Ngaï, Nazali, l'icolo, grand prêtre. Parce que na monité seul contre Kabeka Mwanga. Eh! Ba Congolais ba yiba ko pesa bato ba prité ha. Il faut comment appeler Hermo ba Congolais mususu. Non en tout cas pour l'année 2020 to ba 2019 2020 to pesi vraiment prix Nobel. Ya bato ba Congolais moko seul contre tous. J'ai dit Azo Sala Musala, il est enseignant. Azali na auditoire, Azali na bureau na laboratoire, Azali awa na Congo, Azali seul contre tous Kabeya Kamwanga tout tombé kambaki. Aucune pièce convaincante à ta mon côté. Mais quand même il faut pas ça bande qu'on a bien atta moi prix Nobel hein, congolais azandine. Alors, to lobby que 2021, siko to monani, bobi que vrai que camarade Zalaka, ceux qui bobundi et to zaye ba miki. Ce qui est bundi, batola ce babundi ba koma ka ba vrai camarade. Alors, to bundi, bo monika andenge na beti beti bino na diati diati bino lokola bakayasa. Boya boye pièce, boya boye pièce, boya boye pièce, boya boye pièce. Contre pièce ikelevé. Contre pièce ikelevé. Alors, adversaire asia kimakala. En 2021, travaillons pour le Congo. Et Zali, malam pour na bato na biso. Ma contre-pièce, Eza Soussou na ti na mon côté, parce que Ezati, c'est vide, Ezati. Alors, maintenant, qui sa le mebanda? Et attention, na tchebino na keba keba. Keba keba, Ezali, qui est bon, mais qui kaka? Deuxième phase. Webika ba deuxième phase même ba viriso yo deuxième phase ezaka mabea deuxième phase wana bibolo lo penza ba komona Alors, ce sont mes beaux-frères. Hein. J'ai taquiné mes beaux-frères pour tenir encore liberté. Merci pour aujourd'hui. En tout cas, on se sépare par là. Au revoir. Bye.